vous êtes assis. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. On essaiera de la malbouffe dans notre segment alimentaire, une grosse pointe en dresse, et Tania tentera tant bien que mal de nous divertir dans Tania Escola et Tania. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 10 mars 2016, 47 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Daniel. Excuse-moi, t'es pas sur... T'es là? Ça va? Ouais, excuse-moi. On m'entend? Oui. OK. Allô? Allô? Excuse. Allô, c'est pas grave. Ah! Hey! Tania, ça va bien? Hey, ça va très bien, merci. Oui. Toi? Absolument, absolument. Moins glissant qu'hier, mais plus que demain. Ouais. Oui, je sais pas. C'est ça. C'est... ouais, bref. On parle tout le temps en début d'émission de si c'est glissant ou s'il fait beau. Vrai, c'est pas si pire ce matin, hein? Quel est le sujet de conversation plate? Pourquoi? Je sais pas, les gens, quand ils ont rien à dire, ils parlent de météo. Ouais, mais ça, c'est comme un cliché de dire que les gens, quand ils ont rien à dire, ils parlent de météo. Parce qu'en théorie, la météo fait tellement partie de notre vie. C'est vrai. Que de pas en parler, c'est comme bizarre. Ce serait de vivre dans le déni. Exactement. Ouais. Tiens, parlons de l'émission d'aujourd'hui à la place. Mm-hmm. On n'a pas l'invité, mais par contre, on a des chroniques. Alors, on a notre classique du jeudi qui s'appelle Une grosse pointe en dresse. On va goûter à un produit acheté en magasin, en épicerie, en dépanneur. Quelque chose de malsain, de la malbouffe. Non, ça, c'est à 8h30, Une grosse pointe en dresse. Il y a ta chronique à toi, Tania Isgana-Tutania. Qu'est-ce qui s'en vient? Je vous parle de... roulement de tambour! De peau! De peau! Je vous parle de peau. De peau? Ben oui. De peau. Eh ben. Eh ben. Des peaux de petits peaux des petits ongles? Là est la question. Est-ce que je parle de petits peaux maçons, de gros peaux maçons ou de ce qui recouvre notre corps? L'épellation du mot est bien importante. Et... on débute par contre tout de suite sans musique parce que quand même il est déjà vraiment tard dans l'émission d'aujourd'hui. Hein? Donc allons-y. En s'achetant des gadgets, si ça existe mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets qu'on achète sur Internet et qu'on regrette instantanément. Commençons avec une mop qui ressemble à... Tu sais, ces chiens qui ressemblent à des mops. Ah oui, oui, oui. Tu sais, les chiens mops. Les chiens mops, ouais. Les chiens mops, je sais pas comment ça s'appelle, mais peu importe. Les commondors. Apparemment, ouais. Les commondors. Bref, c'est une tête de mop détachable disponible chez le vendeur japonais Felissimo, fait pour ressembler à un commondor. Donc, le chien qu'on voit, entre autres, sur la couverture de l'album Orderly de Beck. Nous dit-on. Donc pourquoi pas? Peut-être que si vous avez un chien comme ça ou vous avez toujours rêvé d'un chien comme ça, vous pouvez l'attacher après votre tête de balai. Ce que je recommande pas avec votre vrai chien, commandant. Ouais, non, il faudrait pas lui rentrer le... Pas dans le trou qu'il y a déjà de fait. Faudrait lui faire ça. Un nouveau trou. Parce que, ça pourrait être souffrant. Quand même. En plus, les mops en forme de chien ont une petite boucle rouge autour du cou, une langue sortie, un petit nez et des yeux qui passent à travers les poils laineux dreads. Je sais pas comment ils font pour voir, tu sais, il faut qu'ils tassent. Sérieusement, je sais vraiment pas comment ils font. Je comprends D'après pas. Moi, ils voient juste pas. Non, ils voient, là, rien. Ben, ces chiens-là doivent avoir des problèmes de yeux assez fréquents. Ouais, j'imagine. Mais bon, commondor, hein, c'est leur nom. Ensuite, changez, tiens, on a parlé de chiens, parlons de chats, évidemment. Changez votre main en chaton avec une marionnette à deux doigts. Handicat. C'est Archie McPhee qui vend Handicat, une marionnette pour doigts qui change votre main en chat. Ça vient avec un tuxedo. Ça va seulement coûter 7$ pour vous. Hein? C'est juste un peu traumatisant. Oui, la compagnie a déjà fait une version en cheval et une version en licorne. OK. Mais maintenant, c'est des chats qui font. Facile, donc ton majeur va avoir une tête de chat. Oui. Tes autres doigts ont des pattes de chat. Et là, tu dois placer tes doigts pour faire les pattes et la tête est dans le milieu de ta main. T'as même pas de queue de chat. T'as même pas de queue de chat. C'est triste. C'est un fait, je n'ai pas de queue de chat. Non, mais je parle de quand tu l'achètes. Ah, OK. Pas toi en particulier. C'est pas parce que l'attention au détail est quand même là. Le dessous des pattes a vraiment des empreintes de chat. Ah ouais? Super cute. Donc allez voir les photos sur assemblagerequis.com et procurez-vous ça. Le lien est sur le site avec 7$ américains comme prix. Ensuite, qui n'aime pas le fast-food? On aime dans notre chronique une grosse pointe en dresse. Le nom de la pizza est dans le nom de la chronique. Ceux qui sont intolérants à différents produits, peut-être qu'ils ne mangent pas de viande, vous allez pouvoir procurer un morceau de pizza au fromage, mais qui est sur une assiette, mais qui n'est pas vraiment une pizza. C'est vraiment une lumière de nuit. Hein? Une petite veilleuse. Ça coûte 6$. C'est la Pizza Night Light de Steph Mantis. Donc, c'est cute. Ça ressemble à une petite pointe de pizza au fromage sur une assiette de carton. Et ça aide à éliminer les monstres, bien sûr. Et ça illumine votre chambre à coucher parce que c'est une lampe veilleuse. Mais tu sais, y a-tu vraiment du monde qui vont utiliser ça dans leur chambre? Tu te réveilles en plein milieu de la nuit, t'as faim. Ouais. Et si t'as de la pizza dans le frigidaire, elle restera pas longtemps, puis tu vas prendre du poids. Parce que mauvaise idée. Tu vas devoir en acheter à chaque jour pour compenser pour ta faim. Ensuite, pour les gens qui sont riches, c'est un crayon, une plume fontaine à 105 000$. Hein? Parce que les gens ont trop d'argent. Hein? Donc, c'est le Richard Mill RMS-05 Fountain Pen à 105 000$. Ouais. Selon Richard Mill, ça a pris donc à la compagnie qui développe des montres suisses 4 ans pour développer la RMS-05, qui incorpore un mouvement mécanique qui équivaut au calibre d'une montre RM, donc Richard Mille. Titane grade 5, mouvement à 12 joules, à l'intérieur d'un baril de NTPT, North Thin Ply Technology, c'est du carbone. C'est un laminé de milliers de couches parallèles, mesurant moins de 30 microns d'épais. Ces couches-là sont faites de fibres de carbone imprégnées de résine, qui sont arrangées par une machine spéciale qui modifie la direction entre les couches, de 45 degrés. Ensuite, c'est chauffé à 120 degrés Celsius à une pression de 6 bars pour créer un pattern distinct. Bref, c'est super détaillé. C'est poli à la main avec un embout en or blanc de 18 carats. C'est tellement plein de détails. Ça, 105 000$ pour ce crayon. Est-ce que la compagnie va en vendre un? On sait pas. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va acheter ça. Sûrement. Ben, 105... je sais pas, c'est une grosse question. 105 000$ pour un crayon. J'espère qu'il... Pour te craire. Ouais. Tu sais, quelqu'un va te demander, ton crayon vient d'où? C'est mon crayon à 105 000$ américains. Mais tu sais, il faut avouer qu'il est super beau. Vraiment. Super bien fait. Oui. J'espère qu'il est rechargeable en manque. C'est ça. C'est pas précisé, mais j'espère vraiment aussi. Selon le blog Curbed LA, la US Bank Tower au centre-ville de Los Angeles va avoir une glissade de 36 pieds de distance, le Sky Slide, qui va passer du 70e au 69e étage, situé environ à 1000 pieds au-dessus du niveau de la rue. L'admission du site va coûter 25$. C'est le même prix que le deck d'observation, plus 8$ pour la glissade elle-même. Donc pour 33$, vous allez pouvoir glisser d'un étage à un autre. Ça a l'air très bien protégé parce que il y a de la vitre de tous les bords, donc pas juste en dessous et sur le côté comme une glissade normale, mais il y a un toit en haut aussi, donc impossible de tomber. Faut juste pas que tu tombes mal dans la vitre parce que là, tu tombes. J'espère que c'est vraiment de la vitre anti-balle. J'espère. Par balle, probablement, en fait. C'est sûr qu'il y a un poids maximum, là. Ouais, et bien c'est une personne à la fois, j'imagine. Ça aussi. Ouais. C'est quand même assez dangereux. Ouais. J'espère que c'est comme un plexiglas et non pas de la vraie glace. C'est comme du vrai verre. Je me le demande. Ensuite, on reste dans la vitre, on reste dans ce qui est transparent avec une tente. Ah, ça, c'est cool. En bulle transparente. Donc, c'est des tentes disponibles chez Hollyweb sur Amazon. On avait déjà eu ce genre de tente-là en France aussi. Ça coûte environ 1600$. Et évidemment, tout le monde peut voir, mais vous pouvez voir toutes les étoiles si vous habitez dans un quartier, dans un endroit où il n'y a pas de maison autour. Vous pourriez camper dehors en étant protégé de la température. Vous pouvez même amener, comme on le voit dans la photo, un lit, une table de chevet, un pouf, du vin, des fruits, peu importe. C'est comme votre propre chambre à coucher dans un genre de dôme transparent. C'est super cute, mais t'as comme raison, tout le monde te voit. Ouais, mais il n'y a pas d'histoire d'horreur comme dans le dôme, l'émission de télé. Une chambre. Au moins. Au moins. Dans la forêt, c'est cute. L'hiver, c'est cute. Protégé de tout. Voilà. Ensuite. mon Dieu. Ici, c'est des souliers qui ressemblent énormément aux cheveux de Donald Trump. Terrible comme idée. Par Gucci, c'est des Princeton Goat Hair Mules qui se vendent pour 1800$. On est dans les milliers de dollars aujourd'hui, pas mal, hein? Et ça ressemble aux cheveux qui sont peignés par-dessus le crâne. J'imagine qu'il cale un peu Donald Trump, donc il se fait un comb-over, comme on l'appelle, en version soulier. Ouais. Et j'imagine aussi que tu ramasses pas mal les dégâts que... C'est sûr, là. Ça doit faire comme une espèce de Swiffer. Il devrait mettre ça au bout d'une mop pour faire comme le chien tantôt. Exact. Et... Je suis d'accord. Swiffer. On va appeler Donald Trump Swiffer. Ensuite, amenez votre aquarium de poissons à l'école avec ce sac à dos d'aquarium. Ça coûte 500$. Vendu par la boutique Etsy UV Production House. Hey, selon le site, ça inclut poissons rouges, roches, escargots et plantes dans l'achat. Et ça se nettoie tout seul. Donc, il est vraiment cool, le sac à dos. Il est vraiment bien. Et évidemment, bon, il y a un compartiment pour mettre des affaires dedans, j'ose espérer. Ici, dans le render qu'on a sur assemblagerequis.com, on dirait que le sac au complet est rempli d'eau. C'est vrai. J'imagine qu'il y a un compartiment quelque part. Ben oui. C'est très mal dessiné, en tout cas, dans leurs photos. Faut juste pas que tu perces ton sac à dos en arrivant à l'école. C'est ça. Sinon, tes poissons meurent. Et on sait que sac à dos de jeunes étudiants, ça se fait trimballer partout dans l'autobus, peu importe. Et ça se fait trouer à un moment donné, donc faites attention. Surtout pour 500$ le sac à dos. Est-ce qu'il faut en plus nourrir ton sac? Ça, c'est sûr que oui. Ah, ouais. Donc le matin, tu te lèves, bon, je vais nourrir mon sac. Je vais nourrir mon sac. C'est quand même drôle, tu as compté une femme. Ensuite, on a parlé de glissade tantôt dans un édifice. Maintenant, pourquoi pas à l'intérieur de votre appartement? C'est une glissade luxueuse d'intérieur. Retour à l'enfance, c'est un appartement à Kharkiv en Ukraine. Les propriétaires ont fait installer une glissade à l'intérieur. Pas grand détail de plus à dire, sauf que, bon, du deuxième étage jusqu'au rez-de-chaussée, il y a une glissade qui a l'air d'un... On dirait quelque chose de métallique, mais d'après moi, du plastique gris, un peu. Et ça te ramasse en bas, près d'un petit nook, là, un petit endroit près d'une fenêtre avec un coussin où tu peux t'asseoir ou lire un livre. Donc ça a l'air assez fancy tout ça. C'était ben, l'appartement a l'air super fancy déjà en partant. Ça aussi, c'est des milliers de dollars par mois. Mais c'est oui, surtout. Mais c'est quand même cool comme idée. Il s'est installé un petit jardin en plus. Là. Oui. Qui a jamais rêvé d'avoir comme un poteau de pompier là, pour pouvoir descendre d'un étage à l'autre quand il était petit? C'est comme un rêve devenu réalité. L'équivalent de ça, mais encore plus cool que de ses pôles, de ses poteaux. Vrai. Ensuite, c'est une carte d'affaires avec un moniteur du cœur intégré. Une carte d'affaires design de Mobile ECG, une compagnie qui est spécialisée dans les produits de heart monitoring. Donc, surveiller votre cœur et ses différentes fonctions. Hein? Donc, la carte d'affaires elle-même est un mini-moniteur absolument fonctionnel, juste pas fait pour diagnostiquer quelqu'un. C'est juste un matériel promotionnel. Donc, pourquoi pas, c'est marqué « Ceci n'est pas un appareil de diagnostic ». Visitez le mobileecg.hu pour un électrocardiographe de diagnostic à source libre. Donc, ça vous montre même la petite onde qu'on voit tout le temps, là, le bip, bip, bip. Par-dessus, donc, il y a un petit écran qui vous montre ça en mettant vos deux pouces sur les deux carrés dans les coins de la carte. Donc, un coin un cœur, un coin un pouce gauche et le coin en bas à droite, t'as le pouce droit. Et au milieu, t'as l'écran. Ensuite, Lego va sortir un vrai Marble Labyrinth. Tu connais le jeu... est-ce que c'est le jeu Marble Maze? Il me semble que c'était un jeu... Alors, je sais qu'il y avait un jeu vidéo qui faisait ça. C'était une bille que tu devais diriger dans un petit labyrinthe. Il y avait des côtes, des plateaux à monter, à descendre. Et tu devais te rendre à un but. Donc, même chose, mécanique. C'était un jeu vidéo, ça? Ou... Il y avait aussi un jeu vidéo et le jeu en tant que tel. Oui, moi, je connais le jeu en tant que tel, pas le jeu vidéo. Je pense qu'en tant que tel, Marble Maze, c'était le jeu en bois. Mais il y avait un jeu vidéo qui était inspiré de ça. Bref, c'est une machine mécanique qui va sortir en avril. C'est vraiment génial et awesome. Un design de Jason Alleman, dont l'ensemble labyrinthe Lego est, a déjà été discuté en 2012. Ben, Lego a finalement décidé de le fabriquer. C'est un ensemble à 769 morceaux qui va coûter 70$. Je trouve pas ça si pire que ça, quand même raisonnable. Il va y avoir différents labyrinthes avec des thématiques médiévales, par exemple. Donc, c'est vraiment une machine mécanique avec des engrenages. Donc, tu vas pouvoir faire virer le plateau d'un bord ou de l'autre et faire passer la bille entre les morceaux de Lego que tu vas avoir toi-même installés dans la planche, parce que dans le fond, il y a des trous dans la planche et tu peux installer tes morceaux un peu comme tu veux dans ces trous-là. C'est pas partout dans le labyrinthe, mais quand même. En tout cas, ce que j'en comprends, à moins que les plaques beige soient elles-mêmes enlevables, peut-être. En tout cas, bref, c'est cool. Il faut te rendre au but pour gagner. Et t'as un petit compartiment pour mettre tes balles. Donc, il y a des photos du modèle médiéval et du modèle de base sur assemblagerequis.com. C'est un 2-en-1 apparemment sur la boîte que je vois là. Donc lui, qui a la plaque normale et la plaque médiévale intégrées dans la même boîte. Mais ça, c'est vraiment le genre de choses que j'aimerais beaucoup avoir. Ouais, c'est vraiment cool comme idée. Le prochain est un peu moins cool. En fait, c'est très très chaud et c'est très poilu. C'est un sac de thé. Jusque-là, ça va très bien. Ça m'écœure. En forme de scrotum. Avec du poêle. Un petit peu de sophistication, d'élégance à l'heure du thé. En faisant infuser votre thé dans ce superbe sac en forme de scrotum crocheté, tricoté à la main. Avec de la laine acrylique. Avec une corde dessus pour que tu puisses garder ton contenu, l'empêcher de sortir du sac de thé, l'empêcher de sortir dans ta tasse. Et apparemment que oui, ça peut se tremper dans la tasse. De la laine. J'aurais jamais imaginé. Moi non plus. 9$ le Scrotum Tea Bag Quoi, Holder. Quoi, 9$ pour ça? Mais c'est sur Etsy, c'est fait à la main. Ouais, oh, excusez pas. 13,61$ canadien. C'est son propre poil, c'est ça que tu vas me dire? C'est peut-être son propre poil. C'est drôle parce qu'ils ont censuré la photo, mais en censurant absolument rien sur la page Etsy, j'adore ça. Bref, vous pouvez même mettre de l'argent dedans, tu sais, et dans le fond, garder ça comme portefeuille à la place. Ça peut être un cadeau en blague pour peut-être un enterrement de vie garçon, enterrement d'une jeune fille. Un sac à dés, ça peut être un sac à n'importe quoi. Donc, c'est sur Etsy, dans la boutique de Jamie Nits & Bits. Ensuite, c'est un masque pour dormir, c'est aussi un oreiller. Maintenant, t'auras plus à choisir entre un masque. Un petit, ouais, c'est ça, un masque. Pour voir le soleil et un oreiller, parce que tu peux maintenant te mettre l'oreiller directement sur la face. Protégez vos yeux de la lumière extérieure tout en portant un masque, dans le fond, tout en portant un oreiller confortable. Disponible dans une variété de designs, comme un œil qui fait une face qui fait un clin d'œil, des yeux endormis. Et l'oreiller donne à votre tête l'impression d'avoir des yeux endormis. Dans ce cas-là, 30$, c'est encore sur Etsy, sur la boutique de 40 Wings. C'est un oreiller de sommeil de masque en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire? Je pense que c'est une mauvaise traduction, ça. Ouais. En Côte d'Ivoire, ça veut absolument rien dire. Bref, c'est fait de riz avec une fermeture à glissière invisible. Soyeux, il y a de la lavande séchée, du tissu polysatin, de la bourre de prime, donc luxueuse, j'imagine, et du tissu mousseline. C'est traduit par Google, ça apparemment. Bon. Donc, c'est le Sleep Mask Pillow pour 30$ américains ou sur la boutique canadienne, on le vend 40,82$. Ensuite, allons-y avec une machine à Jelly Bean. Oui. Qui est faite pour ressembler à la Death Star dans Star Wars. Donc, c'est du côté obscur qu'on peut se procurer ces Jelly Beans avec la Jelly Billy Star Wars Death Star Bean Machine. Donc, vous allez avoir le pouvoir de choisir vous-même votre propre Jelly Bean dans cette machine-là. Tout ce qu'il y a de plus simple, c'est vraiment juste une boule disco style qui ressemble à la Death Star. À l'intérieur, tu as les Jelly Beans et en dessous, tu as un Stormtrooper qui tient la manivelle et Darth Vader avec son sabre laser sur la devanture. Et j'imagine que tu dois prendre le Stormtrooper, peut-être l'enlever de là et puis faire tourner le... Peut-être que ça vient pas avec le Stormtrooper. Je sais pas, hein? On va aller voir la petite publicité, il y a 38 secondes, là. Ça fait que, ben d'après moi, ça vient avec. Ouais, ça a l'air de venir avec. Ouais. Donc, tu peux ouvrir la petite porte, il y a un petit compartiment à côté sur le côté de la Death Star. Tu verses tes Jelly Beans, le gars en a renversé puis il a même pas fait une deuxième prise. Hein? Il aurait pu faire une deuxième prise. Bref, base transparente qui révèle les engrenages qui font tomber les Jelly Beans. Ah tiens, le Stormtrooper, tu le fais pencher par en avant. Ok. Et c'est ce qui fait tomber les Jelly Billy. En portion de 5-6 à la fois. Donc un vrai partenariat entre Star Wars et Jelly Billy. C'est sur Candy Warehouse que vous pouvez trouver ça. Le lien est sur assemblagerequis.com. C'est cool. Oui, disponible sur Amazon. Ah, en plus. Et 18,49$. Ensuite, c'est les recaps qui changent vos pots maçons en storage pour plus de nourriture et peut-être même d'autres options que de la nourriture, peut-être des liquides. Donc, on sait que dans la vie, on doit ou on devrait en tout cas réduire, réutiliser et recycler. Oui. Hein? Est-ce qu'on fait tout ça? Pour la plupart, mais... Discutable. C'est ça. Donc, la réutilisation, le repurposing qu'on appelle, donc on utilise des produits pour d'autres raisons d'être que leur raison de base. Donc, ici, on utilise des pots maçons avec des recaps, R-E-C-A-P-S, comme caps, comme capuchon. Hein. C'est donc avissé sur vos pots maçons réguliers avec la bouche normale et la bouche plus large, les gros pots maçons avec la grosse bouche. Bref, et ça va les changer en d'autres contenants. Il y a des couverts pour transformer votre pot maçon en pompe à squirter, en genre de bouteille de spray, en banque. Hein? Mettre de la monnaie dedans pour emmagasiner n'importe quel produit, bouteille d'eau aussi. Et les couvercles de remplacement sont disponibles en plusieurs couleurs à 8$ chaque, sauf 3$ pour la banque. Je sais pas pourquoi. Sûrement parce que c'est moins hermétique ou pas du tout hermétique. Vous pouvez visiter masonjars.com. Donc, on dirait que c'est la vraie compagnie des pots maçons qui vend ça, pour encourager les gens à recycler leurs pots. Une maudite bonne idée. Moi, j'achète des pots de pamplemousse rose dans leur jus. OK. Tu sais, de genre... soit pas trop dull ou peu importe. Là. Et c'est des pots maçons, ça. Fait qu'il me semble pouvoir les réutiliser pour différentes raisons. J'avoue. Ce serait vraiment bien pour moi. Évidemment, je les recycle, ces pots-là, mais quand même. Ensuite, on a un wearable woofer. C'est le Subpack M2. Tu sais, le subwoofer, c'est ce qui donne la grosse base dans ton système de son. Là. Oui. Donc, le Subpack M2 Mobile Personal Tactile Audio, c'est un woofer portable qui ne fait pas de bruit en tant que tel, mais il fait du subwoofing, mais il fait pas de bruit en tant que tel. Donc, on peut l'attacher comme un sac à dos sur son dos ou sur son ventre, et ça va donner de la bass entre 5 Hz et 130 Hz. Tu vas ressentir la pression du son contre ton corps, donc tu vas te sentir comme si tu étais dans un club, dans un bar. Ça pèse 4 livres avec la batterie, ça dure plus de 8 heures. Et il y a une version qui s'appelle le S2 qu'on peut attacher à l'arrière d'une chaise pour que ça devienne une installation un petit peu plus permanente. Aussi parfait pour les jeux vidéo et la réalité virtuelle, nous disent-ils. La haute fidélité et la facilité d'installation, donc c'est plug and play, ajoute une dimension à vos jeux et à la réalité virtuelle, vous donnant une immersion comme jamais auparavant. Difficile. Ça va coûter 400$ pour le M2 dont j'ai parlé au début, et le 379 pour celui qu'on attache à une chaise. On visite le site de thesubpack.com pour plus d'informations. En gros, le gars le porte vraiment comme un sac à dos. Ça ressemble à un genre de sablier énorme. Et ça fait de la bass. Ça fait vibrer le corps. Ensuite, on passe à de l'alcool avec un boc de bière. Oui. Avec deux bocs en même temps. C'est le Two-Fisted Drinker Beer Mug. Ça pour fusionne. Ceux qui aiment boire de façon assez excessive. Peut-être. Hein? C'est sûr que la modération, ils ne connaissent pas tellement ça. C'est ça. Donc, deux mugs, deux tasses de bière, deux bocs en un seul ensemble. Et tu vas pas renverser parce qu'il y a un trou pour partager dans le milieu. Donc, le contenu d'un côté et le contenu de l'autre côté en même temps, tu comprends? Donc, tu vas boire d'un côté. Et le liquide va se transférer d'un côté à l'autre. Mais j'imagine que ça dépend comment tu le bois aussi. Ouais, si tu bois sur le côté, là, tu vas peut-être renverser. Faut que exact. Tu boives de la façon pour que les tasses soient à la verticale par rapport à ta bouche. Donc, tu peux charger chaque côté de ta boisson préférée. Ou peut-être même faire une combinaison. Donc, tu pourrais te faire un rum and coke. J'imagine avec un côté rhum, un côté coke, puis avoir mais juste quasiment... un côté, ouais. Ouais. Je sais pas si ça se mélangerait vraiment. Ben, vu qu'il y a un trou dans le milieu, fallait-tu mettre beaucoup de rhum. C'est ça l'affaire. Il est pas au fond du verre. Il y a comme au milieu. Ben, c'est pas super clair sur la photo. Le trou, on voit pas vraiment bien. Mais d'après moi, il est au milieu. Bref. Pourquoi la photo des deux filles avec des grosses poitrines? Hein? Ah, OK, ils ont des tasses en dessous. Genre. Oui. L'écran était pas assez gros pour le t'as voir. T'as pas vu? Ensuite, c'est une... Je vois qu'on a déjà parlé de celui-là. Tu veux-tu qu'on a déjà parlé de ça? Oui. Ouais. Ensuite, passons à... Tiens, la Nespresso Prodigio. Les machines à café avec des capsules. Il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui aiment ça. Toi, t'en as une? Moi, j'en ai une avec une espresso, donc les capsules sont recyclables à l'infini. Ah oui, c'est ça que tu me disais. Donc, il y a un avantage par rapport aux Keurig qui sont faites en plastique. Donc, au moins, j'ai quand même choisi correctement ma machine pour être le plus environnemental possible. Tout en étant pas environnemental. Je peux dire que j'ai mal choisi. T'as une Tassimo? J'ai une Tassimo et une Keurig. Hey boy! Tu vas te faire lancer des roches bientôt? Ouais, mais là, il y en a une qui n'est pas utilisée. Ah, au moins. Mais c'est ça, tu fais quand même des déchets mais plus. Mais tu peux recycler quand même. Ouais, tu peux recycler quand même, ouais. Ouais. Exemple, Keurig, tu peux vider ton cup, puis prendre le plastique, puis le mettre au recyclage. Oui, et puis tu peux aussi utiliser un cup vide et mettre ton propre café dedans. Et oui. Le réutiliser à l'infini, ça aussi. Exactement. Donc, tu sais, ceux qui chialent ne sont pas nécessairement tout le temps courants. Bref, la Nespresso Prodigio. Les machines à capsules sont évidemment super pratiques. Ici, c'est la Nespresso Prodigio connectée à Internet. Tu sais, comment tout est intelligent, c'est pour les vrais paresseux. Là, donc, on charge la capsule, on place une tasse sous le bec verseur. Tu pars l'application Bluetooth pour dire à la machine que tu veux quelque chose, un double ou peu importe. Les temps d'infusion sont aussi programmables et l'application va vous donner une alerte quand ça va être le moment de détartrer et tout votre machine. Et pour le café, ça donne 19 bars de pression pour avoir la bonne extraction de saveur. Et ça chauffe l'eau à température optimale pour que votre espresso sorte à la perfection à chaque fois. Évidemment, c'est seulement pour les espressos, comparé à d'autres espressos qui ont du café aussi. Et ça coûte 250$ chez Sur la Table. Oh! C'est une machine fancy pas mal. Mm-hmm. Ensuite, c'est des graines pour planter des fleurs, mais pour avoir des roses qui sont d'un genre de mauve profond qui est quasiment noir velours. C'est un peu macabre. Ouais, absolument. C'est pour les gothiques, je pense. Donc, ça va germiner, ce qu'on dit ça en français? Germiner. J'ai aucune idée. Germer, c'est ça. Donc, tu vois comment je connais ça. Donc, c'est en 40 jours... J'ai dit des festivals la semaine passée. Ouais, c'est vrai. Les termes médicaux et les termes de plantes, en fait, mon nom de famille est ironique. Non, oh, vraiment. Bref, ça va germer environ en 40 jours et ça va pousser avec une teinte, une couleur, un genre de marron mauve foncé qui donne l'impression que c'est presque noir. 1,69$ pour le sac de graines. Donc 2,30$ canadien, il y en a 100 graines. Et ça vous donne des fleurs rares. Voilà. Pas pire, hein? Mm-hmm. Ensuite, on va arrêter avec celui-là. Tiens, on a parlé de chat tantôt, de marionnettes de doigts de chat. Ici, c'est pour faire du bricolage avec des poils de chat. C'est un livre. Hein? Oui, devenez une crazy cat lady vous-même en achetant Crafting with Cat Hair. C'est un livre complètement illustré qui va vous guider étape par étape pour transformer les poils de trop de votre chat en chef-d'œuvre vraiment épeurant. Mais là, come on! Ouais, mais allez là, franchement là! Y a-t-il des gens, sérieusement, qui ont assez, excusez-moi, là, assez pas de vie pour passer leur temps à faire des chats en poils de chat? Faut pas sous-estimer le temps libre de certains, hein. Tu pourrais fabriquer, par exemple, un petit sac pour transporter des trucs, des marionnettes de chat faites avec des vrais poils de chat, des jouets pour votre chat, des cadres en poils de chat, et plus. Évidemment, tout ça, c'est cat-friendly, donc vos chats ne devraient pas le jeter sur la terre parce que c'est leur propre poil. C'est eco-friendly, donc environnementalement sain, et ça demande aucun équipement, aucun entraînement, aucun training. C'est crafting with cat hair. Oh my God. De beaux bricolages à faire avec votre chat. Est-ce que tu le ferais? Jamais. Je sais que t'aimes beaucoup les chats, ouais, mais... je le trouve déjà assez loser sur certaines affaires. Je vais certainement pas commencer à faire des marionnettes de chats. Désolé pour ceux qui vont aller l'acheter tantôt en passant par assemblagerequis.com. Voilà, pour ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Au retour de la pause, c'est au tour de Tania. Oui. De vous divertir à Assemblage Requis. Restez là. Vous êtes assez fait. Assez fait. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes à Assemblage Reiki en ce jeudi 10 mars 2016 avec Talia Baudin. Avec Mathieu Plante. Elle est fatiguée. Est-ce qu'elle a veillé hier? Est-ce que c'est pour toi l'odeur dans le pavillon? Hein? Non, crois-moi, l'odeur dans le pavillon, ça fait longtemps que je suis pas venue à la chasse-galerie. Mais non, je suis juste comme fatiguée ce matin. On est jeudi, ça arrive, hein, semaine, la fin de la semaine arrive. Et voilà. Et voilà. Alors, toujours une raison, je trouve, d'être fatigué. Le lundi, c'est le début de la semaine. Ah, là, les milieux de la semaine, c'est comment, ça finira pas. Je pense que c'est juste le mardi qu'on n'est pas fatigué. Pourtant. Pourtant. Pour moi, c'est le lendemain de l'impro, fait quoi je fais ça. Ah, c'est vrai. Tout une raison pour toi. C'est le lendemain du lundi. C'est le lendemain du pire jour de la semaine. Et voilà. Le lundi. Avant de passer à Tania et Sgala, une petite chanson parce qu'on n'a pas entendu depuis le début de l'émission. Voici Marie-Ève Roy avec Ton appel. Assemblage requis sur ses fous. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'était ton appel de Marie-Ève Roy à Assemblage Rocky. Et maintenant, Marie-Ève Roy, Baudin, Tania. Eh ouais, je suis là. J'espère que tu m'appelles pas Marie-Ève Roy. Non, ça fait juste rimer. Tu échanges le nom avec le prénom. Ah, ben oui, tout à fait. C'est Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain you. Salut Tania. Hey, bon matin. Allô, t'as pris congé hier par ton propre choix. Mais par devoir. C'est ça, par devoir, exactement. T'en as pris une pour l'équipe. Ben oui, c'est ça. Comme on appelle. Et là t'es de retour avec une autre nouvelle chronique. Mais tu prends pas celle d'hier, je pense. Non, je prends pas celle d'hier parce que je me suis dit, bon, OK, je voulais présenter les inventions qui ont été faites par des femmes, mais là, tu sais, la journée de la femme, c'était mardi. C'est un peu tombé à l'eau, hein? Ouais, je me suis dit, au pire, je le ferai une autre fois dans les fameuses chroniques où je présente des femmes qui sont inspirantes. Peut-être est-ce que je présenterai ceux qui ont créé ces inventions-là. Ça fait n'importe quand dans l'année, sauf que quand tu le fais une journée ou deux après la journée de la femme, ça fait comme si t'avais oublié. T'avais oublié, fait que attends un peu. T'as bien raison là-dessus. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que je parle de gros pots, de pots maçons, de petits pots à ongans ou de pots sur le corps? Ouais. Je te laisse deviner. Moi, j'aurais deviné de pot. Tu vas me parler de pot. Ah, ben oui, j'y avais pas pensé. Non, hein. J'avais même pas pensé à la marijuana. Mais maintenant que t'en parles, on va... C'est une blague. Je vais vous parler de la peau et plus précisément la peau du visage. Ah! Oui, parce qu'il y a quelques articles qui sont apparus sur mon Facebook. Je sais que la plupart du temps, lorsque on va voir arriver des articles sur notre Facebook, c'est parce qu'on s'intéresse à des pages qui vont parler de ces sujets-là bien souvent. Et je suis le style à chercher quand même des pages de bonne nutrition, des pages de comment aider notre peau, ce genre d'affaires-là, d'activités de sport aussi. Bon, bref, j'aime beaucoup de styles de pages différents. De style de vie qu'on appelle. Oui, c'est ça. Tout à fait. Des trucs de vie. Et puis, je suis arrivée sur deux articles qui m'ont titillé l'envie d'aller plus loin et de regarder pourquoi, justement, et qu'est-ce que ça nous amenait. Donc, je vais pas tourner autour du pot plus longtemps. C'était pourri. C'est même pas de mon calibre, ça. Écoute, hein, je peux pas répondre à ça. C'était malade comme case. C'était aussi beau que toutes tes cases. Merci, Tania. Je vais vous parler de la peau du visage, comme je le disais. Mais plus précisément, lorsqu'on a des boutons au visage, lorsqu'on va faire de l'acné, parfois, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a un bouton qui pousse, je sais pas moi, sur le bout du nez et pourquoi il nous a pas poussé en arrière de l'oreille, par exemple. Mais souvent, on pense qu'il est vraiment visible puis il l'est pas tant que ça. Aussi. Ouais. Mais il faut comprendre que lorsqu'on a des boutons au visage, c'est souvent parce que notre corps veut nous parler. Un petit peu comme certaines chroniques que j'ai déjà faites par rapport à ce qui peut se passer avec notre corps, c'est qu'il faut savoir que notre corps va toujours nous donner un indice de ce qui se passe avec nous-mêmes, que nous-mêmes allons pouvoir vérifier. C'est-à-dire qu'on va s'en rendre compte. Lorsqu'on a des boutons, on n'aime pas ça, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Ouais. Donc, de ce côté-là, de savoir qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un bouton, je sais pas moi, dans le front, bien, des fois, ça va nous donner un bon indice de qu'est-ce qu'on a à changer ou qu'est-ce qu'on a à vérifier. Donc, je me suis dit, pourquoi pas présenter la signification des boutons du visage ce matin. Excellent. Hey, avoue que c'est-tu pas une bonne idée. Ah, t'es pratique, là. Hey, c'est fou, pratico-pratique. Hein? Je suis pleine de ressources de même. la première zone, c'est la zone du front. Donc, évidemment, en haut, ça compte aussi les sourcils, là. Ne vous en faites pas. Je sais, il y en a qui ont des boutons dans les sourcils, mais bon. Il faut savoir que pour le front, c'est le système digestif qui vous parle. Ouais. Voyons, non? Donc, les boutons qui sont situés sur le front sont probablement dus à cause d'une alimentation trop grasse. De ce côté-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous devez bien vous hydrater, vous devez manger mieux. Essayez de réduire les gras qui sont peut-être moins naturels dans votre nourriture. Peut-être essayez de réduire, je sais pas moi, le McDonald's à une fois semaine au lieu de quatre fois semaine, tout dépendant de votre... Je pensais que t'allais dire une fois par mois. Ben, écoute. Je vais pas te dire quoi faire. Je suis pas médecin. Tu peux aussi jamais y aller, tu sais. Tu peux aussi jamais y aller. Réduisez, tu sais, c'est niaiseux, mais il y a comme une folie du bacon, puis tout ça. Réduire le bacon, si jamais vous voyez que vous avez beaucoup de boutons au front, mais peut-être que ça peut aider à justement régénérer votre peau. Est-ce que le bacon à l'érable vient compenser pour le gras en étant sucré? Malheureusement, non, parce que c'est quand même du sucre. Je suis déçu. Je suis désolée. La deuxième zone du visage où vous pouvez parfois avoir des boutons, c'est entre les deux yeux. Mais là, vraiment, entre les deux yeux. Je te fais des signes, puis il n'y a même pas de caméra ici. Mais c'est vraiment presque où est-ce qu'il y a le nez, mais c'est pas vraiment le bout du nez. Donc, c'est vraiment l'espace que vous avez entre votre œil gauche et votre œil droit ouais. qui va lui-même passer sur le nez. Ça arrive parfois qu'on va avoir des problèmes d'acné à ce niveau-là. Sachez que c'est le foie qui vous parle à ce moment-là. Ça serait peut-être bien d'éviter l'alcool, les produits laitiers et de prendre un citron pressé, dilué dans de l'eau chaude le matin à jeun. Pour détoxifier votre foie. Okay. Donc, de ce côté-là, si vous faites ça, vous allez voir que peut-être que vos boutons au niveau, justement, entre les deux yeux vont commencer à disparaître et s'atténuer. Évidemment, éviter l'alcool, ça va encore mieux aider que de réduire les produits laitiers parce qu'on le sait, l'alcool va souvent causer beaucoup de choses qui peuvent nous popper dans le visage ou ailleurs dans le corps. Donc, c'est vraiment le foie qui va vous parler à ce moment-là. Vous voyez comment vous consommez votre alcool versus vos produits laitiers. Ceux parce qui que font des milkshakes à vodka, tu sais. Ça aide pas. Ça aide pas bien, bien. Non. Non. Je suis désolée. Ouais. C'est les margaritas avec du lait dedans. Miam? Non. Non? Mauvaise idée. Ouais. Ça allait avoir des boutons. Décevant. Entre les yeux. On peut rien faire avec toi, maudit. Je sais, t'es pas ma mère. Ah, oh, je suis désolée. La prochaine zone, c'est la zone des pommettes. Vraiment, là, en dessous des yeux. Ouais. Jusqu'après les pommettes. En la, fait, c'est la zone gros truc de football. Oui, c'est ça. C'est la zone, quand vous souriez, là, c'est les petites bajoux que vous voyez. Ah, les pommettes, Tania. C'est les pommettes. Les pommettes. C'est le système respiratoire qui vous parle si vous avez des boutons à ces endroits-là, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Donc, les boutons sur les joues, les pommettes, vont vraiment correspondre au système respiratoire. Pardon. Si vous avez des taches de rousseur, c'est bien correct en passant. Oui, oui, oui. Il faut pas confondre taches de rousseur avec boutons d'acné. Là, et 819-376-5183. Si jamais vous êtes rousse. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut bien que ça serve à quelque chose, les ongles. Ben oui, hein? je sais bien. On lance des appels comme ça aux femmes à l'UQTR. Hello. Sachez que si vous êtes fumeur ou fumeuse, bien évitez le tabac et laissez le temps à votre peau de vraiment pouvoir se régénérer à ce niveau-là parce que c'est vraiment votre système respiratoire qui en arrache, en fait, disons-le comme ça. Puis ça peut aussi être dû au maquillage. Donc, si vous êtes du genre à pas super bien vous démaquiller rendu le soir ou pas nécessairement bien entretenir votre peau au moment où que justement vous allez vous nettoyer, puis tout ça, si vous êtes trop difficile avec votre peau, le système respiratoire lui-même de la peau à ce niveau-là va comme vous démontrer qu'il aimerait peut-être ça se faire laver plus qu'une fois aux trois semaines, mettons. Ouais. Mais c'est... pour vrai, les gens, en tout cas, je sais pas, les gens en général, s'ils se lavent correctement le visage, mm-hmm. mais il y en a qui sont à cette étape-là ou qui lavent leur visage avec juste leur savon normal après s'être lavé d'autres parties du corps. C'est pas peut-être pas la meilleure façon. Non. Ayez une crème ou un savon indépendant pour votre peau. Exactement. De face. Que ce soit un nettoyant pour le visage, il y en a pour les hommes maintenant. Oui, ça se voit de plus en plus. C'est super cher, mais ça vaut vraiment la peine. Ben, super cher. Ah, 8$ pour la petite bouteille, je trouve ça cher. Oui, mais de ce côté-là, t'as pas de boutons. Non, donc, absolument ça coûte pas. Moins cher que le traitement à boutons. Après. Et ça fonctionne foutrement bien parce que j'avais des boutons avant dans le visage. Et voilà. Maintenant, j'en ai plus grâce à ça. Tu vois. Et aussi le fait que je me rase plus à la pioche. Il y en a qui ont une peau sensible. Oui. Moi, j'ai une peau très sensible. Se raser à la pioche, c'est pas une bonne chose. Je suis pas sûre que je pourrais me raser à la pioche si j'étais un homme. Faites pas ça. Je serais rouge tout le temps. Ah, c'était ça pour moi. Et voilà. Apprenez de nos erreurs. On est là pour, c'est ça. Pour faire ces erreurs-là avant vous. Je vous rappelle qu'on parle de la signification des boutons au visage. Je suis rendue à la quatrième zone du visage. Donc, si jamais vous voyez que vous commencez à avoir des boutons sur le bout du nez, c'est le cœur qui vous parle. Il n'y a pas de miracle pour le nez, sachant que les pores, ils sont vraiment ouverts à ce moment-là. C'est sûr que de ce côté-là, vous pouvez peut-être avoir des points noirs. Il faut vraiment voir à quelle sorte de bouton vous faites affaire, là. Mais de ce côté-là, c'est vraiment de privilégier une bonne alimentation et notamment le poisson pour les oméga-3 et les fruits parce que ça va vraiment venir constituer une bonne alimentation pour votre cœur et vous allez voir, les boutons vont commencer à réduire sur le bout de votre nez. Eh hey, ben, poisson! Ouais, je te crois pas. Mais... je suis tellement poisson. Tellement poisson. La prochaine zone, c'est la zone au côté des yeux. Vous savez, on a comme un espace entre les yeux et les oreilles. Là où se ramassent les crottes de yeux. Oui, aussi. Entre autres. Si tu veux décrire ça comme ça, mais c'est vraiment tout l'espace que vous avez de votre visage entre l'œil et l'oreille. Et l'oreille, OK. Exactement. Donc, c'est quand même une bonne... les tempes, finalement. Oui, ouais, c'est quasiment les tempes. C'est un petit peu plus bas que les tempes. Mm-hmm. Mais c'est vraiment, écoutez, là, vous avez les branches de lunettes, si jamais vous portez des lunettes. Tu décris tellement mieux que moi. Et voilà. c'est les reins qui sont en train de vous parler si jamais vous découvrez que vous avez des boutons à cet endroit-là. Si vous avez des boutons, buvez davantage d'eau à ce moment-là. C'est peut-être que vous manquez d'hydratation. Le minimum, c'est 1,5 litre d'eau ou de thé par jour. Là, on parle vraiment pas de café parce qu'on cherche à aller hydrater la peau à ce niveau-là. Ça déshydrate le café. Hein, exactement. Donc, c'est sûr que dans toutes les zones que vous voyez, si vous êtes un grand ou une grande buveuse de café de façon intraveineuse, sachez que oui, si vous diminuez votre taux de caféine dans votre corps, ça peut aider beaucoup toutes les zones que je viens de nommer déjà. Oui, vraiment. Et évitez le sel. Okay. À ce moment-là, pour favoriser la rétention d'eau. Donc, votre corps va vraiment garder plus l'eau à l'intérieur et ça va pouvoir réhydrater cette partie de votre visage-là. La prochaine zone, c'est aux côtés de la bouche, tout juste en bas des joues. Ouais. OK, donc tout à l'heure, je vous parlais des pommettes. Ben, c'est comme en dessous des pommettes, aux côtés des joues. Okay. Jusqu'à l'environ du cou, là, exemple. Ouais. Si vous avez des boutons, là, c'est... Je suis désolée, madame, c'est les hormones. Ah, OK. C'est... Feux sauvages, c'est là aussi? Oui, exactement, les feux sauvages. Ça, par contre, c'est différent un petit peu. Ça, c'est pas le même type de bouton. Tu peux pas vraiment essayer de changer ton alimentation pour pas attraper des feux sauvages. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment un traitement qui va y aller. Par contre, les hormones, c'est le plus difficile à faire partir. Donc, de ce côté-là, ça va vraiment d'aller vous hydrater du mieux que vous pouvez. C'est souvent aussi la génétique. Une intolérance aux hormones qui sont contenues dans le lait de vache ou encore le gluten. Ah ouais. Donc, si vous voyez que vous faites beaucoup de boutons et peut-être que vous filez pas souvent après avoir bu du lait, ben commencez à vous poser la question si vous n'êtes pas intolérant au lactose. Ça pourrait être un bon indice à cette idée-là. Le conseil qu'on vous propose, en fait, c'est de retirer de votre alimentation, justement, pendant un certain temps, le gluten. Là, le gluten, encore une fois, c'est assez difficile parce qu'il y en a partout. Le lactose, même chose. Faire une cure de zinc pour que justement, pour limiter la production de sébum qui est responsable de l'apparition des boutons à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment d'essayer d'y aller avec un bon soin de la peau parce que justement, comme je vous le disais, les boutons d'hormones, c'est ceux qui sont les plus difficiles à faire partir. Ouais. Malheureusement, ça fait partie de nous, mesdames. Et aussi, messieurs, là, je veux pas dire que vous avez pas d'hormones dans vous. Là. C'est comme la testostérone. J'allais dire devenir un homme, mais là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ça arrive parfois. Ouais. Parce que tant qu'à pas aller à tous tes 5 à 7, parce que t'as les boutons autour de la bouche, mais 5 à 7. C'est ça. Ah, t'as pas d'allure. La prochaine zone, c'est le menton. OK. Il y en a beaucoup que les boutons qu'ils vont voir apparaître dans leur visage vont simplement être au niveau du menton. Ouais. C'est l'estomac qui vous parle. Si vous avez des brûlements d'estomac, ça va être là que ça va popper. Si vous avez des boutons à cet endroit-là, essayez de privilégier les fibres. Pour essayer de faciliter la digestion, c'est peut-être juste que vous avez justement de la difficulté à digérer tout ce que vous mangez. Donc, encore une fois, bien s'hydrater parce que ça va aider à digérer. Et comme je le disais, privilégier les fibres, tout ça, tout ce qui est prouvé qui vont vous faire aider. C'est fun parce que les fibres, ça va aider votre peau. Oui. Et votre poupou. Oui, et voilà. Ouais. la dernière zone, c'est le cou. Ça arrive parfois qu'il y a des gens qui vont avoir des boutons dans le cou. Bien, sachez que c'est les maladies qui apparaissent. C'est les pires, ça? Ouais, c'est comme, c'est vraiment les pires, autres que ceux des hormones. En fait, ça va tout simplement vous aviser que votre corps est en train de lutter contre une bactérie. Ah. Donc, si jamais, exemple, vous avez la grippe ou quoi que ce soit, vous avez un rhume, automatiquement, vous avez une bactérie étrangère dans votre corps. Donc, de ce côté-là, vous avez peut-être plus de chances de voir apparaître des boutons si vous êtes du type à avoir une bactérie plus facilement ou à attraper quelque chose plus facilement. À ce moment-là, on essaie de prendre le plus de vitamine C possible pour son action antioxydante et aussi buvez beaucoup, beaucoup d'eau. Comme pour la plupart des boutons que je vous disais. Ouais, faites juste boire de l'eau en général dans la vie, de toute façon. C'est ça. Bien souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un excès de sébum dû au manque d'hydratation dans votre peau et c'est là justement que les boutons vont sortir. Mais quand même, la signification des boutons du visage est quand même très importante parce que vous pouvez vraiment voir qu'est-ce que vous pouvez corriger à cet endroit-là. Donc, je vais mettre l'article en question sur le site d'Assemblage Reiki et la page Facebook si jamais ça vous a vraiment intéressé et que vous êtes du genre à vouloir vous informer encore plus que simplement m'écouter. Il n'y a aucun problème. Ça va être dans quelques instants sur la page Facebook d'Assemblage Reiki. Génial. Pour la peau, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut manger pour avoir une superbe de belle peau et de ce côté, peut-être, éviter les boutons à la longue? Eh bien, évidemment, il faut éviter le sucre. C'est comme un incontournable. On nous dit souvent d'éviter le sucre, éviter l'alcool, encore une fois. Super bien s'hydrater. Éviter les diètes basses en gras parce que bien souvent, ce qu'on va essayer dans les diètes basses en gras, c'est de réduire vraiment tout le gras que vous mangez et même les gras naturels. Par contre, si vous voulez vraiment une belle peau au niveau du visage, ça vous prend les gras naturels. Et là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que vous faites comme une... vous asséchez votre peau parce que vous n'allez même pas chercher les gras naturels. Donc, essayez d'éviter les diètes basses en gras, mais vraiment d'aller chercher les gras naturels, exemple dans les amandes, ce genre de choses-là. Vous allez voir que ça va quand même avoir un bon effet sur votre peau. Mais il existe des aliments qui sont excellents pour la luminosité que vous allez avoir dans votre peau, cette espèce d'effet... De femme enceinte, genre tu brilles donc bien matin. Ouais. Ben, quand on dit tu brilles donc bien, c'est parce qu'en fait, la peau est lumineuse, elle est éclatante, puis il n'y a pas de sécheresse dans la peau. Donc, il y a des aliments qui favorisent vraiment ce genre de peau-là. Entre autres, il y a la tomate. Ah. Donc, en fait, pourquoi est-ce que la tomate est bonne pour la peau? C'est à cause du lycopène qui se retrouve dans la tomate. C'est ce qui donne la couleur rouge à la tomate. Et ça réduit le taux d'hormones qui favorise l'acné. Donc, de ce côté-là, si vous êtes du genre à ne pas vouloir de boutons, mais vous voulez une belle peau du visage, bien consommer des tomates 3 à 5 fois par semaine. Mm-hmm. C'est pas beaucoup quand on y pense, parce que si on... Quand t'aimes pas tant les tomates, c'est beaucoup. Ben, c'est ouais. Ça. Quand t'aimes pas les tomates, tu peux aller chercher d'autres aliments, par contre, qui vont favoriser aussi ce type... Des hot dogs, des ketchup. Hein? Ben, je vais t'avouer que le ketchup, peut-être pas. C'est un aliment à base de tomates, mais je te parle vraiment de la tomate. Tu mets le sac d'en face, non? vas-y, fais-toi un masque. Ketchup. Fais-toi un masque au ketchup, peut-être ça va fonctionner. Je suis pas certaine. Ouais. Le deuxième aliment, c'est le thé vert. J'en ai parlé un petit peu plus tôt cette semaine. C'est que ça va vraiment venir faire baisser le taux de... Attention, je vais me sentir scientifique pour 30 secondes. On lève le fond. Le taux dihydrotestostérone. C'est même pas si pire que ça. Hein, avoue, je sais pas si pire. C'est en fait, c'est cette hormone-là qui crée l'acné au visage. Et bien souvent, c'est ce qui va créer aussi la sécheresse au niveau du visage. Donc, le thé vert, on en boit de 3 à 5 tasses par jour, comme je vous le disais cette semaine. Mais il faut savoir qu'il faut pas le boire extrêmement chaud. OK. Il faut attendre que ce soit style température pièce. Ooh. Parce que de ce côté-là, si on veut vraiment chercher un thé ou encore une caféine qui va être très, très, très chaude, en partant, on assèche notre peau, on assèche notre système immunitaire. L'intérieur. Et c'est pas ça que l'on veut. On veut vraiment s'hydrater. Donc, si on attend que ce soit plus tiède, encore même, il y a des personnes qui boivent leur thé vert froid. Je suis pas du genre à faire ça. C'est vraiment pas super. Mais si vous y allez vraiment avec une température pièce moyenne, vous allez voir que ça va plus vous hydrater puis vous allez peut-être même le sentir au goût. Parce que bien souvent, après avoir bu un thé vert, vous allez vous sentir que... vous allez avoir cette espèce de feeling-là que vous êtes déshydraté. Bien, si vous attendez, vous allez voir que ça va plus vous hydrater que d'autres choses. Intéressant. Le troisième aliment que vous faites manger si vous voulez une belle peau au niveau du visage, c'est des baies. OK. Ah, j'adore ça, exemple, des baies. Exemple, les mûres, les bleuets, les framboises. Une pâtisserie à Saint-Gabriel avec des baies dedans. Oui, exactement. Ouais. Mange plus de pâtisserie. Ah, OK. C'est ça, non. Pas besoin de me le dire. Je pense pas que ça soit la clé à tout ça. Mais bon, les baies, en fait, c'est que c'est vraiment l'anthocyanine qui se retrouve à l'intérieur des baies qui va venir réduire le taux de chances d'avoir le cancer de la peau et ça va venir vraiment aussi baisser le taux de risque d'avoir de l'acné. Donc, encore une fois, si vous êtes du genre à mettre des choses dans votre thé, tu sais, à la place de mettre du sucre ou quoi que ce soit, ben mettez des baies. Oui. Ça va encore plus aider, puis à la fin, vous allez pouvoir les manger. Ah, wow. C'est-tu pas beau, tout ça? On parle souvent d'oméga 3, tout ça, les capsules d'oméga 3. Bien, sachez que le poisson, les fruits de mer et justement les suppléments d'oméga 3, c'est vraiment merveilleux pour la peau parce qu'en fait, ça freine l'apparence des rides. Mesdames, je répète, ça freine l'apparence des rides. OK? J'ai 24 ans et je vois des rides. Arrête donc! Hey, c'est terrible. Sérieux, l'autre fois, elle parlait de son bouton comme si c'était une espèce de volcan, puis là, elle parle de ses rides comme si c'était une personne âgée. Ah non, mais ça, c'est un problème féminin. Ben oui, mais là... Entièrement. En tout cas, sache que t'ambitionnes énormément. Merci, Mathieu. Ouais. Mais mesdames et messieurs, sachez que la quantité de poissons et de fruits de mer que vous devriez consommer par semaine pour avoir une bonne alimentation, que ce soit au niveau de tout votre système ou que ce soit simplement de la brillance de votre peau, c'est de 4 à 5 portions par semaine. Okay. C'est pas de manger vraiment du poisson à chaque souper, mais varier. Tu sais, vous pouvez avoir, par exemple, un dîner au saumon, un souper aux tomates, je sais pas. Oui, le buffet de tomates, oui. Là, c'est tellement connu. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez, mais c'est vraiment le taux qu'on vous conseille si jamais vous voulez aller chercher tous les bienfaits du poisson et des oméga-3. Si vous trouvez que c'est beaucoup trop, ben tout à l'heure, je vous parlais des suppléments d'oméga-3. Allez-y en capsule de ce côté-là. Ça va augmenter votre taux d'oméga-3 dans votre corps sans trop en manger, sans vous en faire une écœurantite aiguë. Ouais. Donc, de ce côté-là, c'est quand même bien. Il y en a qui n'aiment pas le poisson, faut dire. Oui, il y en a qui n'aiment pas le poisson. Puis, il y a des capsules d'oméga-3 qui ne goûtent pas le poisson. Ouais. Demandez vraiment soit au pharmacien ou à la personne qui va être à la pharmacie ou même dans les produits biologiques. Ouais. Il y a plusieurs... magasin de ça à Trois-Rivières. Donc, si jamais vous vous informez, on va pouvoir vous donner le meilleur conseil pour le goût, surtout parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les suppléments d'oméga-3 parce que ça goûte le yaourt. Ouais, ouais. Mais de ce côté-là, sachez que ça existe et c'est pas super dispendieux pour améliorer votre santé. Donc, allez-y si jamais ça vous tente. Et il faut savoir aussi que la meilleure façon de cuisiner, si vous voulez améliorer la santé de votre peau, que ce soit au niveau du visage ou tout votre corps ou encore le système immunitaire, c'est de cuisiner à la chaleur humide. Mmh. La chaleur humide... Je comprends pas. Tu comprends pas, hein? Okay. Ça se contredit. Ça se contredit. C'est dans un sauna? Ben non, c'est en fait d'essayer d'éviter la friteuse, le four, la poêle, vraiment. C'est de pas aller assécher l'aliment lui-même. C'est vraiment exemple de favoriser les aliments qu'on va pocher, comme exemple les œufs, les légumes à la vapeur et aussi la mijoteuse parce qu'on va pas assécher. On fait vraiment venir englober, si on veut, dans une mijoteuse, la nourriture qu'on y met. Et c'est comme un ragoût, ça va mijoter, hein, veut pas. Donc, ça va rester dans leur aliment et dans leur jus. On va pas aller enlever tout ce qui est bon de ce côté-là. Donc, si vous êtes du genre à vraiment y aller gros sur la friteuse, sur le four, faites attention parce que c'est peut-être tout simplement ça qui fait en sorte que vous avez... une peau asséchée vous-même. C'est que les aliments que vous mangez ne sont pas assez hydratés. Et voilà. Et aussi, les fruits et légumes de couleur foncée. OK. Donc, vraiment, exemple, le chou rouge foncé ou violet, les brocolis très, très verts, les fèves, tout ça. C'est que encore une fois, comme dans les baies, c'est l'anthocyanine qui a des propriétés antioxydantes. Puis aussi, ça va faire diminuer le risque du cancer de la peau. Ça prévient les méfaits du collagène et ça améliore la circulation sanguine vers les cellules de la peau. Donc, de ce côté-là, les légumes pleines couleurs, les fruits pleines couleurs aussi. Allez-y vraiment pour des aliments frais. Donc, vous allez voir que peut-être que votre peau va devenir de plus en plus belle. Ah! Voilà. Ah! C'est le fun. Tu nous as parlé de peau et non pas d'autres sortes de peau. Non. Ou encore, il y en a qui pensaient peut-être qu'on allait parler de Poe Dameron, le personnage dans le nouveau Star Wars. Ah, peut-être. Poe Dameron, mais peut-être une autre fois. Peut-être. Peut-être une autre fois. Ça sera peut-être pas moi qui vais vous parler de ça. Peut-être pas. Bref, un autre sujet super intéressant, en long et en large, de la part de Tania Baudin. Et on fait ça tous les matins de semaine à Sondage Requis. Mm-hmm. On se quitte avec une petite pièce musicale. Ben oui, la pièce musicale que j'ai trouvée, c'est la pièce qui s'appelle Summer Skin, d'un groupe qui n'est pas très, très connu. Ça s'appelle Crater. Je cherchais des chansons qui parlent de la peau et je suis tombée sur celle-là et j'ai beaucoup aimé. Alors voici Summer Skin de Crater. Summer Skin. Summer skin, summer skin, summer skin, summer skin, summer skin, summer skin. Summer skin, summer skin. try to inspire you if I can. Avec Summer Skin sur les ondes du 89.1 FM. On dit que c'était bon, ça, quand. Hey, hein? Ouais, Tania Baudin, merci pour ta chronique. Ça fait plaisir. Tania is gonna entertain you. On l'a dit tous les jours de semaine à Assemblage Requis. Ça dépend de la journée, l'heure change à chaque oui, jour. Oui, c'est ça. C'est exact. Comme le sujet, on sait c'est jamais. Vrai. On sait jamais. Au retour, une grosse pointe en dresse. Enfin! À Assemblage Requis. Mmh. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 10 mars 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, et on remercie nos auditeurs fidèles qui nous écoutent chaque matin, dont Jean-François qui vient de m'écrire un commentaire ce matin et qui me dit « Félicitations à votre émission, je vous écoute tous les matins. » Ah, oh, ben merci. Ça, c'est un beau compliment, merci à toi. Et allez liker la page Facebook d'Assemblage Requis, ça va nous faire plaisir ça aussi, tu sais. Mm-hmm. Tout nous fait plaisir, on n'est pas très dur à convaincre, je trouve. C'est quand même assez bon public. C'est vrai. Bref, on est bon public, vous êtes bon public et votre récompense à la fin d'une semaine de dur labeur, hein, c'est de manger de la malbouffe avec nous. Peut-être que ça va vous inspirer à aller en chercher, en acheter vous-même. Voici une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. pointe André, c'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit acheté en épicerie ou en dépanneur, de la malbouffe malsaine, c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, je t'ai volé le punch, Tania, parce que je t'ai demandé d'aller chercher le produit dans mon tiroir encore une fois. Oui, mais c'est correct, je te pardonne. On dit que c'est les produits du tiroir. C'est pas pour rien, c'est parce que littéralement, je les mets dans mon tiroir. C'est pour ça. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça et ça me fait rire, moi, de faire ça. C'est correct. Bref, Tania, aujourd'hui, on goûte enfin. Ça fait littéralement une semaine. Je les ai achetés jeudi dernier. Mm-hmm. J'attendais ce jour avec impatience et les nouvelles Mars à l'érable! Ouh oui! Donc, Mars à l'érable, évidemment, ils ont mis un collant de prix par-dessus. On va l'enlever pour voir ce qui est écrit. Bon, donc, arôme artificiel, ça commence drôle. Évidemment, c'est pas avec du vrai sirop d'érable. On s'attendait pas à ça non plus d'une barre de chocolat, quand même. Mm-hmm, c'est une barre 50 grammes. C'est 230 calories par portion, on s'en fout. Sans arachide, je suis en train de charger mes onglets, si le fond saute, c'est normal. Ah, c'est correct. Donc, ingrédients, sucre, sirop de maïs, substance laitière, comme toujours, beurre de cacao, pâte de cacao, huile de palme et de palmiste hydrogéné. Hein. Oh, hey, on rit plus. Lactose, poudre de lait malté, huile de palme, lysine de soya, sel, blanc d'œuf déshydraté. Donc, que les ingrédients qu'on veut pas vraiment avoir dans ce qu'on mange. Assurez-vous de lire l'étiquette de chaque produit. D'accord, oui, c'est sûr. OK. D'autres produits Mars fabriqués hors du Canada peuvent contenir des arachides. Ah, c'est pour ça qu'ils disaient ça. Si t'importes des barres Mars sur eBay, tu pourrais tomber sur des barres avec des arachides. Faites attention, seulement au Canada qu'on a ça. C'est cool. Sinon, bon, je vois pas grand-chose d'autre. Meilleur avant février 2017, ça se conserve vraiment longtemps, le chocolat, on le sait. Y a pas d'informations autres que ça. J'ai hâte de voir si ça va goûter vraiment la saveur artificielle d'érable. J'ai acheté la semaine passée. J'ai acheté un... je te lance... je pensais que ma pichenote... Hey! Et plus lourde qu'elle avait l'air parce que j'ai lancé une pichenote dessus. Ouais. Ça a même pas fait bouger, quasiment. C'est vrai, hein? C'est consistant. Bref, j'allais dire, j'ai acheté la semaine passée à l'épicerie, tu sais, dans le il y a comme un petit chalet de produits d'érable. Mm-hmm. Et là, je me suis dit, bon, je vais me prendre une tarte au sucre, OK? Ouais. Mais je vais prendre la moins chère parce qu'il y en avait à comme 12-13 piastres. OK. Bon, et j'ai pris la moins chère, c'était comme à genre peut-être 6... piastres, mettons, environ. Mm-hmm. Et c'était tellement de la fausse tire, tu sais, du genre de faux sucre dedans, un peu comme t'as dans des muffins, n'importe quoi, tu sais, des pâtisseries cheap, d'épicerie, là. C'est comme une espèce de mélange gélatineux de sucre. Ça goûte rien quasiment quand tu mets dans ta bouche tout seul, genre. C'était vraiment pas la meilleure tarte au sucre du monde. La compagnie Godet. Achetez pas cette tarte au sucre-là. Moi, je l'ai vraiment, vraiment pas aimé du tout. Ah ouais? Prenez la coche au-dessus. Peut-être pas la coche au sommet du prix. La couche du milieu devrait avoir au moins un semblant de vrai sucre dedans. Ça. J'avoue. J'ai besoin de ça. En tant de sucre, j'ai besoin de ça. C'est vrai. Bref, assez parlé de moi, hein? T'sais? Alors, on était en train d'ouvrir presque ces barres Mars à l'érable, bien sûr, dans le micro magique qui nous attend pendant 6 jours et demi. Oui. Oh, je pense que je vais y arriver. C'est difficile, hein? C'est pas comme dans les pubs à la TV. Ouais, eux, dans les pubs à la TV, c'est clairement déjà tout fait. Ça s'ouvre, toi, c'est Et voilà. Bon, je l'ai eu. Oh, elle la déshabille, elle, comme une robe de chambre. Il y en a qui vont ouvrir l'emballage au complet. Ouais, elle... je sais. Fait descendre le pantalon de la barre de chocolat Marcel Hérard. T'es pas du genre à faire ça? Oui, je suis la même chose que toi, c'est juste que c'est plus drôle de dire vu que c'est toi. Ça sent la barre Mars. Je te dirais pas que comme ça, sans croquer dedans, ça sent déjà l'érable. Ça sent juste une barre Mars normale. Ouais. C'est que... parlez-moi encore, en fait. Ça pas mal. Mars, ils font aussi des barres de chocolat noir. Aha! Donc, est-ce que c'est au chocolat noir? Est-ce que tu sens le chocolat noir? Non, c'est vraiment du chocolat au lait. Chocolat au lait. C'est pas précisé, il aurait pu préciser chocolat au lait enrobé ou avec érable à l'intérieur. J'aurais aimé s'il y avait une petite lisière d'érable sur le dessus, c'est plus solide sur la barre, ça aurait été cool. Mais non, de l'extérieur, ni vu ni connu, barre Mars normale. Ouais. Je suis d'accord avec toi par rapport à l'odeur. Ouais, c'est ça, ça sent pas l'érable ou quoi que ce soit. Quoique, maintenant que je sens plus fort un peu, je crois, un petit peu d'érable dans l'odeur. Ouais. Non? C'est peut-être l'odeur du chocolat, mais il me semble que je la sens. Peut-être. Mais bon, on va goûter, hein. Ça va être pas mal mieux. OK. Ah, tu goûtes beaucoup plus que tu sens. Mm-hmm. Oui, hein? Ça reste... C'est extrêmement pas... sucré. Oh oui, OK, oui. Ça kick le sucre au high. Même que... Oh, j'étais fatiguée. Là, je te jure, je le suis plus. Je me demande pas si j'aurais aimé ça un petit peu moins fort. C'est agressant. C'est pas le genre de... Ben, ça goûte un peu les, le même faux érable qu'il y a dans les cornets. Les cônes, ouais. Ça goûte exactement le même goût que dans les cornets. Je suis persuadée que c'est le même... Ingrédient. Le faux sucre d'érable. Ouais. Mais c'est pas mauvais. J'en mangerais pas nécessairement... Je dirais que je mangerais même pas la barre au complet tellement c'est sucré. Je vais la finir plus tard. Ah, la tienne. On va faire ça. Non, si t'en veux aussi, tu peux la finir plus tard. Mais non, c'est un méchant kick, un méchant gros ouais, kick. Ouais, ouais, ouais. C'est... Mais ça va satisfaire ta rage de sirop d'érable. Mais c'est quoi qu'il y a à l'intérieur d'une Mars? Est-ce que c'est comme d'autres chocolats? C'est du nougat, je crois. Parce que le nougat, déjà en partant, ça en temps normal du nougat, c'est, ça goûte rien, c'est pas super sucré. Mais là, on dirait que le mélange de tous les ingrédients fait en sorte que c'est vraiment un immense kick, là. Vraiment, là. C'est chocolat malt, nougat. Un rebelle du caramel recouvert de chocolat au lait. C'est la version plus douce de la barre Milky Way aux États-Unis. Je me sens comme si je venais de boire un Red Bull. C'est vraiment fort, hein? Mm-hmm. Moi, ça me satisfait au bout. Mais pour vrai, c'est... pour un amateur de barre de chocolat, je trouve ça sucré pas mal. C'est rare que je dise ça. Mais c'est parce qu'on dirait, en fait, que le sirop d'érable a été mis en caramel. Ouais. Puis ça rend la chose très agressante. Mais je l'adore quand même. Je la recommande beaucoup. Mais c'est ça. À petite dose. Ouais. J'aurais aimé... Moi, personnellement, je trouve que... S'il avait fait des petits macarons à ça. Tu sais, il y a ça, les Dairy Milk en petits macarons. Ça aurait été meilleur. Plus, ça aurait été plus cool, je pense. Une barre, c'est beaucoup. Ouais. Ouais. Mais bref, Mars à l'érable. Moi, je donne un pouce en l'air quand même, mais pas mal fort en l'air. Je vais le mettre sur le côté. Ah, OK. OK. Ouais. Bon, on se partage ça quand même bien. Maintenant, parlons de nouvelles de fast-food. On commence chez Dunkin' Donuts, parlant de sucré. Dunkin' a un plan pour compétiner avec McDonald's. C'est de dire qu'eux aussi, ils servent leur déjeuner à longueur de journée. Évidemment, on sait que chez Dunkin' Donuts, leurs déjeuners sont pas mal moins bons que chez McDonald's. C'est vrai. Ils sont pas mal plus congelés. Donc, en octobre, Dunkin' Donuts a admis qu'il portait attention au menu de déjeuner de toute la journée là, chez McDonald's aux États-Unis, mais ça les stressait pas trop. Trois mois plus tard, Dunkin' révèle maintenant comment il prévoit attaquer la compétition. C'est de rappeler aux gens qui font la même chose. Uh-huh. Les ventes n'arrêtent pas de descendre et il y a la menace de McDonald's. Qui vient jouer sur leur terrain de déjeuner. Donc, Dunkin', qui fait quelques petits moves intéressants, ils disent qu'ils vont revamper leur menu au comptoir et au service à l'auto dans 8400 restaurants aux États-Unis pour accentuer le fait qu'ils servent du café et amener de l'attention un petit peu plus vers leur déjeuner complet. Le chief executive de la marque, Nigel Travis, a dit que revitaliser... Attends un peu. Oui, c'est ça. Que les gens dans d'autres restaurants avaient blessé un peu la chaîne. Ils parlent de McDonald's en tant que tel. Et ils disent que leurs ventes de magasins ont descendu de 0,8% dans le dernier quart. Et le trafic a aussi descendu dans la même période. Ils essaient de s'accrocher à ça, mais pour vrai, c'est pas leur spécialité, les déjeuners du tout. Là. On sait que c'est les beignes, les culottes. Hein? Les culottes! Les culottes ou leur café glacé sont oui, vraiment okay. Bons d'ailleurs. Mais bon. Il n'y en reste plus ici. Non, il n'y en a plus, malheureusement. Je pense qu'il y en reste un à Montréal. À Montréal, oui, c'est ça. S'il n'est pas fermé depuis que j'ai vérifié la dernière fois. Moi, je pense qu'il n'y en a même plus à Québec non plus. Non, ça fait un petit peu pitié tout ça. Pourtant, aux États-Unis, c'est super populaire dans le Canada. C'est vrai. Ici, on a Tim, puis gars, on va devoir faire avec. Hein. Ensuite, une femme a mordu sur une très rare perle dans sa nourriture en mangeant dans un restaurant italien. Hein? Ouais, ouais. Donc, une femme de Issaquah, c'est dans WA, c'est lequel, celle-là? C'est, la WA, c'est... C'est quoi l'état WA? WA? Ah! Washington? Autres... Non! Ça, c'est DC. Mais non, ça, c'est DC. C'est ça. Maudit. Ah, WA. Quelqu'un va nous le crier, sinon, là, WA. C'est pas en Australie occidentale. C'est peut-être l'état de Washington, en fait. Mais non, c'est impossible. Non, je pense pas, moi non plus. Je dirais que j'ai tellement d'onglets ouverts sur mon ordinateur présentement que Google ne veut pas ouvrir. En tout cas, bref, peu importe. Elle était dans un restaurant italien, son mari... Avec son mari. Elle a mangé quelque chose de très très fort, selon ABC News. Elle avait l'impression de se casser la dent. Il faisait noir dans le restaurant, donc c'était difficile de déterminer ce que c'était. Elle a regardé de plus près, ça avait l'air totalement rond et parfait. Donc, tu sais, les perles, comment c'est sphérique, parfait. Donc, elle a montré ça à un bijoutier, Ted Irwin, le président de la Northwest Geological Laboratory. Donc, pas un bijoutier, c'est un spécialiste des pierres et autres comme ça. Geologist en anglais. Bref, à l'Institut Northwest Geological Institute, qui a confirmé que malgré ses attentes, elle ne savait pas ce que c'était. C'était une perle de quahog. Ouh! Ouais. Donc, malgré le fait qu'elle mangeait sur la côte ouest, il dit que ces bijoux-là peuvent se retrouver dans des fruits de mer qui sont indigènes aux États de l'Atlantique, donc à la Nouvelle-Angleterre. Les chances de trouver cette perle-là, c'est probablement une en quelques millions, dit-il. Sa valeur est d'environ 600$ dans le marché d'aujourd'hui. Donc, le propriétaire du restaurant était très excité d'entendre la nouvelle et a dit que d'autres clients venaient maintenant manger dans ce même restaurant en espérant avoir ce même bijou dans ses fruits de mer. Ça me surprendrait que ça arrive, c'est une fois dans quelques millions quand même. La femme dit qu'elle va transformer cette perle-là en collier et elle va le garder pour la chance. Bonne idée. Ouais. Maintenant, toujours aux États-Unis, chez Arby's, on offre maintenant un menu végétarien, par contre seulement pour une journée. Ah! C'est quoi ça? Oui, donc Arby's a viré son menu à l'envers le 29 février dernier en remplaçant toute la viande dans ses sandwichs par des légumes, du fromage et d'autres composantes sans viande. C'était donc le même menu, juste sans viande. La compagnie dit que c'était pour faire la blague. En fait, il disait au départ que c'était pas une blague. Dans les vidéos, les photos promotionnelles, on incluait donc... pardon, qu'est-ce qu'il disait? Qui avait inclus du pain entre deux tranches de pain. Hein, Je pense que c'est ça. Donc, chez Arby's, ils disent être fiers de leur viande, mais ils comprennent que la viande n'est pas pour tout le monde. Donc, ça, c'est le président de la marque du groupe de restaurants Arby's, Rob Lynch, qui disait ça. Donc, on a décidé de donner aux végétariens une raison de visiter Arby's lors de la journée bisextile en offrant un menu d'une journée spécifiquement pour eux. Et si tout va bien, on ramènera ça le 29 février à chaque année. Évidemment, en blague, parce qu'il y en a juste un par 4 ans. Donc, sa suggestion était de ramener donc, le menu à chaque 29 février, même s'il ne pas spécifier si c'était pour vrai dans la vraie réalité. Donc, on va attendre le prochain 29 février en 2020 pour le savoir. Et leur menu est revenu à la normale. En fait, le menu a vraiment jamais changé. Les gens pouvaient commander quand même leur hamburger à la viande le 29 février. C'était vraiment juste une blague promotionnelle sur leurs affiches et leur truc de marketing. C'est correct. Ouais. Je sais pas si ça allait vraiment fonctionner par contre. Non, sûrement pas, mais ça fait parler d'eux autres, ça c'est sûr. Pas sûr que de rire d'une portion de la population tout le temps de même va vraiment te mettre ton public à donner. Comment dire? Ça va te les mettre à dos, c'est ce que je pense. Ben, je sais pas si tu vas te les mettre à dos parce qu'en fait, tu vas aller chercher une nouvelle clientèle qui, elle, aime vraiment tout ce qui est pas viande. Mais de ce côté-là, est-ce que là, ça va vraiment attirer du monde? Bonne question. Ensuite, tiens, on va remplacer la viande, ou en tout cas ajouter à la viande des cornichons avec un Burger King Whopper avec 718 cornichons. Ben non! Oui, commandé par les gens chez Rocket News 24 au Japon avec 718 cornichons. On a déjà vu par le passé un Whopper avec 1000 tranches de fromage, un Whopper avec 1050 tranches de bacon. Donc le Pickle Whopper pèse 1,7 kg ou 3,75 livres et a coûté 10 000 yens, environ 89$ américains. C'est beaucoup pour des cornichons quand même, je pensais pas que ça coûterait aussi cher d'extra des cornichons. Mais quand même! Et on peut voir le monsieur manger ce beau petit hamburger sur assemblagerequis.com. Ouais. Ça fait pas mal... Comment tu réussis à le manger de toute façon? Étage par étage? Mais non, mais là, c'est parce qu'on s'entend que tu vas juste manger des pickles pendant un motus de bon bout. Avec des amis? Je sais pas. Les gens aiment ça faire parler d'eux avec des records comme ça. Il y a une photo sur le site... Le chinois, le hamburger, est plus long que son visage. C'est vrai. Ensuite, un maître sushi chef, un maître chef des sushis qui a appliqué ses habiletés du sushi au Dunkin' Donuts. On revient chez Dunkin' Donuts, c'est le maître chef Hiroyuki Terada qui peut sushifier à peu près n'importe quoi. La dernière fois, il avait sushifié un Big Mac, cette fois-ci, c'est du Dunkin'. Donc, sa procédure, c'est d'enlever... La garniture à la gelée, à la confiture et à la crème de beigne et en roulant et en tranchant le beigne en un dessert qui ressemble à un sushi dessert. Fallait voir la vidéo sur assemblagerequis.com, voir comment il a fait ça. Il prend des roussettes au miel pour faire ça. Et ça a donc bien l'air délicieux. C'est probablement mon beigne préféré, la roussette au miel. Non, roussette à l'érable. Ah, c'est après. Différent. Ouais. Ensuite, Burger King annonce ou agace le public avec des produits sur des couvertures de journaux. Donc maintenant, l'industrie des journaux, vous savez, a déjà été emballée dans des publicités de voitures. Donc t'as une fausse une d'un certain journal, puis après ça, bon, c'est une pub de char qu'il y a dessus, puis après ça, t'enlèves la fausse couverture, puis c'est une vraie couverture en dessous. Donc même chose ici, avec le New York Post. Le grand titre écrit avec la même police de caractère que le New York Post, c'est « The King's got a Whopper ». Donc le King a un Whopper, et nous parlons pas de burger. tourner la page, ok, ça c'était le wrap de leur journal. Et ensuite, quand tu entrais dans le journal, est-ce qu'on a l'intérieur du journal? Je sais pas, non. Je ne vois pas l'intérieur du journal. Non, on l'a pas. On va devoir lire dans l'article, malheureusement. Donc, The King's Got a Whopper, campagne imprimée pour Burger King en Amérique du Nord. Le président de Burger King en Amérique du Nord, Alex Macedo, a décrit le Whopper des hot dogs pendant son lancement. Donc, ça parle de Whopper hot dog à la place d'un Whopper normal. C'est pas mal ce que ça veut dire. C'est la même campagne qu'avec Snoop Dogg qu'on avait parlé il y a quelques semaines. Et les emojis de hot dog aussi il y a quelques semaines. C'est la première fois donc qu'on essaie de faire autant de publicité dans les imprimés, donc les journaux. Et puis c'est pas mal juste ça. Ça parle de hot dog chez Burger King. Est-ce que tu mangerais un Burger King Whopper hot dog? Non. Non, hein, c'est ça. C'est ce que je pense. Non, vraiment pas. Ensuite... Allons-y avec... j'ai trouvé des beaucoup trop longs articles aujourd'hui, ça m'énerve un petit peu. Mais c'est Domino's qui sort une publicité pour... c'est pas pour une voiture, en fait, ça a l'air d'être une publicité pour une voiture, mais en fin de compte, c'est pour de la pizza. Donc on va l'écouter un petit peu, juste pour savoir de quoi on parle. C'est une petite publicité de 60 secondes. Donc pour Domino's, ici, la voiture de livraison du futur. C'est l'heure d'imaginer l'inimaginable réimaginé. On ouvre une voiture dans un laboratoire et passer au-delà du présent jusqu'au futur. Aujourd'hui, on voit des trucs de voiture derrière la voiture, les miroirs. C'est l'heure d'une pizza livrée en voiture avec des roues inspirées par la pizza. Un intérieur focusé sur le conducteur avec de la place pour la pizza et de la liqueur. Un four à 240 degrés Fahrenheit. And a puddle light et une lumière pour garder pour que notre chauffeur sache où piler. Ça affiche comme une lumière à la sortie de la voiture. That's right. A pizza company just made a pizza. Oui, une compagnie de pizza qui vient de fabriquer une voiture pour livrer les pizzas. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est une vraie voiture de pizza. On avait parlé à un moment donné de la voiture de livraison de pizza il y a quelques mois de ça à la chronique. Et là, ils ont sorti vraiment une publicité, une campagne publicitaire au complet pour parler de leur voiture avec un four à pizza. Ben, pas un four, un four de réchaud. C'est pire, le tout coûte 25 000 $. Ah, quand même bien. T'as un four dedans. C'est vraiment cool. Et en plus, ben, t'as un super gros rabais chez Domino's en ce moment. Deux pizzas moyennes avec deux garnitures pour 6 $ chaque. Et 0% de financement. C'est bien. C'est ils, bien. Ont fait, ils ont fait leur pub pareil comme des pubs d'auto. Ouais, avec vraiment. Les petits caractères en dessous. Et les conditions et les sites web, etc. J'adore quand même l'idée. Ensuite, on a déjà parlé, qu'on n'avait pas assez de café dans notre vie, qu'on voulait se faire insérer ça par intraveineuse. On a déjà parlé de cubes, de gomme. Là, c'est un cube mâchable. OK. Donc, tu vas avaler à la fin. Donc, les Go Cubes, c'est des bouchées de café mâchables. Ça vient d'une compagnie de San Francisco, Nutrobox. Donc, ça vient en saveur de mocha, pure drip, donc pur noir. Et saveur de latte. Alors chaque emballage de 4 cubes, 50 mg de caféine par carré, par cube, c'est équivalent de 2 tasses de café par cube. Donc ils disent avoir réinventé le café en combinant recherche et précision derrière Nutrobox avec le côté délicieux du café pour créer un produit délicieux scientifiquement ingénieux. C'est quoi le verbe pour ingénieux? Ingénieux? Non, le verbe. Ça c'est le qualificatif adjectif. Je ne pourrais te dire. Bon, donc, en plus de la caféine, les Go Cubes contiennent tout plein d'autres choses, comme de la L-théanine, de la vitamine B6 et de la B12 méthylated, je sais pas trop quoi, qui aide la caféine, qui améliore la caféine, oui, pour vous donner encore plus de focus et de clarté mentale, disent-ils. Scientifiquement délicieux. C'est certain que j'y goûterais. Goûterais ça, c'est sûr. 2 tasses de café par cube. Hey, c'est beaucoup, par exemple. Et ça goûte le café, en plus. Est-ce que ça a un effet instantané? Je me le demande, mais comme c'est 2 tasses de café, ça doit être encore plus efficace qu'une seule tasse de café. Mais t'imagines le down après. Oui, le crash que tu vas vivre. Ah, mais j'en veux. Ensuite, ça vient dans un petit emballage de plastique, en plus, c'est super. Ouais, c'est vrai. Ensuite, c'est un cornet de crème glacée, en fait, c'est un... c'est un beigne qui sert de cornet à crème glacée. On dirait, honnêtement... une queue de castor tournée, puis on a mis de la crème dedans. Oui, et ça n'a pas l'air de la meilleure idée au monde, ça. Ah, moi, je dirais que oui. Donc, c'est en République tchèque. Je dois avouer que là, pour la première fois, j'ai comme fait... Si vous êtes jamais allé donc en République tchèque ou en Slovaquie, vous avez peut-être pas entendu parler de Trdelník. C'est une pâte sucrée roulée en une espèce de long filament enveloppé autour de bois ou de tiges de métal. Et ensuite, on cuit ça. On fait tourner ça sur une source de chaleur. Et on va ensuite garnir ça de petits sucres, de cannelle ou de noix après l'avoir fait cuire. Bref, quelqu'un a créé un cornet avec ça en transformant cette pâtisserie-là en cornet de crème glacée. C'est, selon lui, la meilleure invention de l'histoire de l'humanité. Moi, je pense que oui. Mm-hmm. Ça a l'air, en effet, d'une queue de castor. Et une queue de castor, c'est magnifique dans la bouche. C'est vrai. La crème glacée, je sais pas être à quoi. Ça l'est moins sur les hanches, mais c'est magnifique. Ah, mais ça, faut juste y aller avec modération. C'est vrai, t'as bien raison. Une fois par mois. Puis la crème glacée, en plus, là, laisse-moi te dire qu'elle a pas l'air de la crème glacée. Ça a l'air de la crème fouettée. Crème fouettée, oh boy. Oh boy. Peut-être que c'est de la crème fouettée, en effet. J'avoue. Non, parce que ça dit clairement crème glacée. OK. Ouais, c'est un compte de crème glacée. Ouais, les articles sur des blogs, des fois, ils sont pas trop... ça va pas trop chercher loin. C'est où qu'on peut trouver ça, là, qu'on y aille? Clique sur le lien, clique sur le lien. Ensuite, Blaze Pizza, maintenant, offre des pizzas pour $3.14 lors de la journée du Pie. Ah, c'est oui, pie, okay. Comme une tarte. On appelle souvent une pizza une pizza pie, une tarte pizza en anglais. Donc, Blaze Pizza va offrir lors de la journée de Pie, le lundi 14 mars 2016, leur pizza créée soi-même, donc build your own, celle avec laquelle tu mets des ingrédients que tu veux dessus, pour $3.14, imaginez comment c'est pas cher. Les pizzas se vendent habituellement à $8 américains, ça varie par endroit. La compagnie a vendu environ 75 000 pizzas à ce prix spécial l'an dernier et aimerait en vendre deux fois plus cette année, donc le Pie Day, le 14 mars, chez Blaze Pizza aux États-Unis. Ensuite, c'est une édition limitée spéciale de la Vanilla Kit Kat Stirrer. En fait, la Kit Kat à la vanille, bon, c'est rien de vraiment original, une Kit Kat à vanille, on s'en fout. Mais l'édition limitée, ce qui est spécial, c'est les Stirrers. C'est fait pour être brassé. Okay. Donc, vous pouvez vous servir d'un bâton de Kit Kat pour brasser votre café. Ah, puis ça, comme ça va fondre dedans. Ça va moins fondre, en fait, parce qu'habituellement, les Kit Kat vont fondre vraiment rapidement. Très, très mince, ce chocolat. Donc, cette nouvelle Kit Kat-là a été faite pour brasser. Ça ressemble énormément à une Kit Kat normale, mais l'extérieur doit être, j'imagine, en chocolat un petit peu plus... probablement. Un peu plus résistant, si on veut, pour pouvoir croquer quand même, un peu comme une biscotte italienne, un biscotti. Je trouve l'idée est vraiment parfaite, parce que pour vrai, c'est la meilleure barre de chocolat pour tremper dans du café, là. Uh-huh. À part une Coffee Crisp, là, mettons. Là. Non. Pas sûr que je t'en prenne une Coffee Crisp. Moi, ça s'égrène. Est-ce que tu tripes sur Coffee Crisp? C'est une de mes préférées. Je dirais que quand j'étais jeune, j'aimais bien la Coffee Crisp. Mais au cours des années, j'ai adoré la Aero à la menthe. Mm-hmm. Ouais. Ça a été difficile à battre. À la menthe. Je sais pas, café menthe. Que chocolat menthe, ça n'a jamais été mon truc tant que ça. Non, moi, je suis plus. C'est ça, Coffee Crisp. J'aime Crunchy, celle avec de la tire, la genre de tire dedans, comme tire-éponge. Ça, maudit que c'est bon. Bref, cool, j'aimerais ça voir ça ici à un moment donné, parce que là, ils ont sorti les Kit Kats gigantesques, aux biscuits, à la crème, etc., là, qu'on goûtera peut-être dans une future chronique, mais même si je trouve que ça a l'air un petit peu trop mainstream. Même si la Mars à l'érable était borderline mainstream pour moi. Ouais. Tout le monde va y goûter, mais bon, quand même, maintenant, vous savez que vous devez l'essayer. Pour moi, dans mon cas, peut-être moins dans le cas de Tania. On va prendre une pause au retour. On va se faire une autre portion d'une grosse pointe en dresse. Continuez les nouvelles, on retourne à l'assemblage requis. Vous êtes assez fou? 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki en ce jeudi 10 mars 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Dans une demi-heure environ, un petit peu moins d'une demi-heure, ce sera Génie en Liberté avec Samuel Girard et Stéphanie Rompré-Lalouette. Juste avant ça, on va faire une dernière partie d'une grosse pointe d'adresse. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être écouter un petit peu de musique. Ouais, t'as raison. Donc voici Magic avec Celebrate. 89 FM, c'est fou. When you call, I'll be at your side. Don't even think of giving in, though all your fears keep creeping into your mind. Metric qui Celebrate à Assemblage Rocky. Maintenant de retour à une grosse pointe d'adresse. Ah, ça me fait plaisir de pouvoir vider l'arrière-boutique de ces produits du tiroir. On parle de fast-food, bien sûr, on parle de choses malsaines, de la malbouffe. Et on commence avec une petite nouvelle en bref, hein, c'est les produits de Nabisco. Tu connais déjà les Wheat Thins, minces au blé? Oui. Tu connais les Rice Thins, les minces au riz? Oui. Hein? Maintenant, il y a les Good Thins. Ouh! Et non pas les Potato Thins, qui aurait dû probablement être leur nom. Ouais, j'ai C'est des minces aux patates. Ah! Hein? Simple, donc c'est pas des patates chips, mais ça goûte des patates chips parce que c'est fait avec des patates. Et ça a différentes saveurs, donc t'as original. T'as épinards et ail. Mm-hmm. Et t'as patates douces. Ah ah ah! Ça a l'air vraiment excellent, je les essaierai n'importe quand. Les Good Thins, c'est comme une version meilleure pour toi des Wheat Thins et Rice Thins. Ils sont pourtant déjà quand même, j'imagine, meilleurs pour toi que les chips. Bonne idée. Ouais. Ensuite, Baskin Robbins, j'ai vraiment la misère avec ma gorge, hein. Je me croirais au mois de janvier quand j'avais le rhume. C'est vrai. Donc, Baskin-Robbins lance ses nouveaux biscuits à la crème glacée chauds. Et c'est sundae, ça a l'air tellement génial. Baskin-Robbins, connu pour leur crème glacée. Donc maintenant, change un peu de façon de faire avec des biscuits chauds. Avec de la crème glacée entre deux tranches de biscuits chauds. Hein? Ils offrent aussi une crème glacée maintenant qui s'appelle Cookie Jar Mashup. Donc, j'imagine avec différentes sortes de biscuits mélangés ensemble. On va en parler dans quelques instants. Donc, le Warm Cookie Ice Cream Sandwich and Sundae peut être fait avec des biscuits chauds, crème glacée, garniture. Parmi les biscuits, il y a biscuits au brie sur le chocolat, double fudge, chocolat beurre d'arachide, noix de macadam et morceaux de chocolat blanc. Et les deux biscuits peuvent être avec de la crème glacée qui n'ont pas besoin d'être la même saveur. Donc, tu peux mélanger un dessus de biscuit avec un dessous d'autres biscuits avec de la crème glacée différente dans chaque. Hein? Et tu as différentes garnitures, ben oui. Donc, des sprinkles, des sprinkles au chocolat, des amandes hachées. Ça a l'air délicieux. C'est clair que les enfants vont triper là-dessus. Tellement. C'est une bonne idée de mélange entre le chaud et le froid. J'ai déjà parlé chez Dairy Queen, si jamais ça te tente d'essayer ça, de manger chez DQ. Ils font une tarte aux pommes avec un coulis. Ah, c'est vrai, non, tu peux pas, je t'ai déjà parlé, puis t'arrêtes pas de me dire que t'es allergique aux pommes, je l'oublie tout le temps. Ouais. Fuck. C'est pas grave. Je suis vraiment pas bon pour me rappeler de tes caractéristiques. De mes 14 caractéristiques. Je suis trop habitué de regarder des sitcoms familiales où chaque personnage a une seule caractéristique. Lui, c'est il aime Elvis. Lui, c'est il est fou de propreté. Lui, c'est il raconte des jokes plates. Tu sais, toute ta caractéristique, c'est genre, t'es une fille qui anime avec moi à la radio. Mm-hmm. Donc, pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça aussi longtemps? Le sundae au biscuit chaud, entre autres, donc t'as un wet topping qu'on appelle donc une garniture humide, différentes garnitures de fruits, différentes sauces, t'as de la crème fouettée, des noix hachées et une cerise. Et tu peux faire l'option make it a double qui va te donner 2 cuillères de crème glacée et 3 biscuits à la place de 1 et 2. Donc une crème glacée, 2 biscuits. Pour terminer, la nouvelle Cookie Jar Mashup, la crème glacée, c'est la saveur du mois de mars pour Baskin-Robbins aux États-Unis. Donc, Oreo, Chips Ahoy et Nutter Butter, des morceaux de ces biscuits-là, en plus d'un ruban de chocolat mélangé avec de crème glacée à la vanille. Ah. Donc, quand je dis que c'est un mashup de biscuits, c'est pas mal un mashup de biscuits. C'est vrai. Ensuite, toujours aux États-Unis, chez Carl's Jr., on teste. Tu sais, chez McDonald's ou chez Tim Hortons, tu vas pouvoir prendre un sandwich déjeuner avec un muffin anglais. Tu peux le prendre avec l'option de biscuit à déjeuner à la place. Oui, exact. Tu peux le prendre avec un. C'est quoi l'autre? Un bagel. Mm-hmm. Bon. Là, on l'essaie avec un muffin. L'utilisation d'un muffin comme pain pour le sandwich déjeuner. Il y a deux variétés. Donc, tu as le Cornbread Breakfast Sandwich et le Blueberry Muffin Breakfast Sandwich. Chaque sandwich a évidemment tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un sandwich matinal habituel. Donc, œuf, bacon ou saucisse et fromage entre deux morceaux de muffin, le dessus et le dessous. Soit un muffin au bleuet ou un muffin normal. Et selon Food Beast, les deux sandwichs ont été testés dans deux endroits différents, dans Orange County et dans le sud de la Californie. 2,99$ chaque. On a l'air d'essayer de trouver quelque chose d'autre comme un hybride. Vous savez, chez McDonald's, on a le McCrepe, le McGriddle. Chez Jack in the Box, on avait le Waffle Breakfast Sandwich avec une gaufre pendant un bout de temps. Chez Taco Bell, on a essayé le Waffle Taco. Chez Carl's Jr., on a essayé le French Toast Sandwich. On a un sandwich au pain. On avait ça, pain. Pas pain brioche. Voyons, French Toast. Pain doré. Merci. Voilà. Voilà, donc chez Carl's Jr., on essaie le muffin. Pourquoi pas essayer de mixer les goûts. Moi, j'aime bien cette façon de penser. Maintenant, on vient au Canada. Oui, c'est rare qu'on visite le Canada dans notre tour du monde, une grosse prétendresse. Pour ceux qui aiment les Cheetos, on a une collaboration entre Cheetos et Taco Bell. Ah! Au Canada, c'est les Taco Bell Cheetos Crunchwrap Sliders avec des Cheetos au jalapeno croustillant cheddar. Voilà. Donc, t'as trois variétés. T'as Beefy Cheddar, cheddar fromager. Bœuf fromager. Suprême et le Spicy Chicken. Donc, Beefy Cheddar, c'est des Cheetos au jalapeno crunchy cheddar assaisonné, du bœuf assaisonné, du fromage cheddar en petits copeaux et de la sauce nachos chaude enveloppée dans un tortilla à la farine. Hein? C'est pas merveilleux? Ensuite, t'as le Supreme qui enlève le fromage cheddar et rajoute de la crème sûre à teneur réduite en gras. Ajoute aussi des tomates en dés et des échalotes. Et t'as le poulet grillé qui vient avec les mêmes Cheetos. Ensuite, du poulet effiloché, épicé et une sauce ranch épicée. Tout ça pour 2,99$ canadiens. Oui, c'est rare que je utilise des dollars canadiens dans cette chronique-là. C'est vrai. Et voilà, donc ça va se vendre aux États-Unis sûrement 1$, 1,50$ environ. J'aimerais vraiment essayer ça, les Cheetos dans un tortilla. Vous pouvez le faire à la maison aussi, là. Quand on parle de produits de fast-food dans des restaurants, vous pouvez les copier à la maison sans problème. Le manque de sommeil, maintenant, vous donne plus de chances de manger plus de fast-food. Hein? Donc, qu'est-ce le junk que food. Tu veux dire? Si tu dors moins, tu vas manger plus de fast-food, selon une étude. C'est sûr! Donc, cette étude-là nous apprend que le manque de sommeil va augmenter l'aspect... ça va augmenter un signal qui va augmenter l'aspect hédonique du fait de manger de la nourriture. Donc, le plaisir, la satisfaction qu'on a quand on mange, selon l'auteur de l'étude Erin Hanlon de l'Université de Chicago. Le signal, ça s'appelle un endocannabinoïde, une molécule qui, un peu comme la marijuana, va cibler un système dans notre corps qui vient régulariser, si on veut, plusieurs processus physiologiques comme l'appétit et la douleur. Même si les niveaux de cet endocannabinoïde, nommé 2AG, peut fluctuer ou changer de jour en jour quotidiennement, ça va augmenter pendant nos heures où on est éveillé et ça va descendre lorsqu'on est passé l'heure du repas. L'équipe nous apprend donc que le manque de sommeil peut donner... dans le fond, c'est ça, les chercheurs disent que ça va contribuer à manger plus pour compenser. Ah. Donc, ceux qui ne dorment pas assez de façon répétitive, quand ils vont être debout, ils vont avoir besoin de plus d'énergie, ils vont prendre plus de nourriture de fast-food. C'est dans le journal Sleep qu'on a dit ça. Les chercheurs ont commencé leur enquête avec 14 jeunes personnes, de jeunes adultes en santé, exposés à deux conditions différentes, donc du sommeil normal de 7,5 heures par nuit, ou un sommeil restreint de seulement 4 heures, les deux pendant 4 jours de suite. Et puis les détails sont quand même assez plus compliqués que ça, là, mais ça dit que pendant leur séjour à l'institution, les volontaires ont été nourris 3 fois par jour et leur niveau de faim était régulièrement jugé, en plus de recevoir des tests sanguins et de regarder leur niveau d'endocannabinoïdes dont on parlait tantôt. Ça a révélé que le manque de sommeil venait avec une augmentation du 2AG dont on a parlé, ce qui augmente donc de 30% plus que ceux qui avaient enregistré une nuit complète de sommeil. En plus de ça, les niveaux, les pics, leur niveau maximum étaient reculés d'une heure et demie, se rendant à leur niveau le plus élevé à 14h comparé à 12h30, donc midi et demi. Pour ceux qui avaient une nuit de sommeil normale, et ça restait à leur max jusqu'à 21h le soir. Donc les correspondants avaient dit avoir un plus grand appétit et donc mangeaient plus de fast-food. Ça a du sens? Ça a beaucoup de sens, moi, je trouve. Bien du sens. On en avait parlé dans une chronique en plus, je pense. Il me semble qu'on a parlé de quelque chose de similaire à ça. Ensuite, une des raisons pour lesquelles la réalité virtuelle est aussi populaire, c'est à cause de Google Cardboard, qu'on fait avec du carton. T'as peut-être déjà vu ce Google Cardboard-là. Maintenant, McDonald's arrive avec le joyeux festin en boîte qui se transforme en casque de réalité virtuelle. Hein? On n'a pas parlé ici à la chronique, mais je sais qu'on a parlé dans d'autres médias pas mal. Maintenant, Coca-Cola arrive à faire la même chose. Ils ont déjà une tonne de produits vendus dans du carton. Donc, ils poussent l'idée à une prochaine étape, changer votre boîte de Coke en casque de réalité virtuelle. Donc, c'est une solution. Oui, voilà. Coca-Cola... J'ai de la misère à dire que Coca-Cola... nous a enregistré dans une petite vidéo qui nous montre comment le faire. On va regarder un petit peu ça. Je pense que sans volume, ça devrait être assez. Une première dans le monde, un viewer de réalité virtuelle fait avec une boîte de Coke recyclée de 3 différentes façons. Donc, tu as l'origami à faire. On prend une caisse de 12, celle qui va dans le réfrigérateur. Mm-hmm. Et là, on montre comment déchirer les différentes pièces. Et on va boucler tout ça. On va faire un genre de cône, pas de cône, de cylindre. Ouais. Et on venait rattacher plein d'autres parties. Je peux même pas le décrire, ça se décrit pas vraiment non, visuellement. Non, ça se décrit pas. Mais bref, les étapes sont assez compliquées, mais la vidéo est quand même assez claire aussi pour vous montrer où insérer chaque pièce et faire votre lecteur de réalité virtuelle en insérant votre téléphone cellulaire dans la boîte. Je crois que c'est une boîte normale de réfrigérateur. Je crois bien, mais je n'en suis pas certain. Je pense qu'ils l'ont juste modifié un petit peu. C'est ça. Alors qu'à la fin, on montre une boîte qui est vraiment faite pour ça, qui se plie facilement, juste en enlevant les bouteilles dedans et en appuyant sur le dessus de la boîte. Mon Dieu, oui. Ça, c'est une boîte qui est faite exprès pour la réalité virtuelle. Et c'est qu'on peut voir le logo de Coke à la bonne place sur l'appareil. Voilà. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com la petite vidéo pour une boîte de frigo normale et ensuite la boîte personnalisée dans les liens d'une grosse pointe en dresse. Ensuite, tiens, on a tendance à manger en regardant notre téléphone cellulaire de fois en temps. Ouais, les gens vrai. Se parlent moins qu'avant. Donc, si on entre dans n'importe quel restaurant, on va trouver plein de gens qui sont sur leur téléphone. Il y a personne qui se passe. Chick-fil-A essaie de compenser pour ça dans 150 restaurants à travers les États-Unis. C'est des boîtes dans lesquelles les gens peuvent mettre leur téléphone et passer un petit peu plus de temps avec leur famille ou leurs amis. C'est une promotion où les clients peuvent laisser tomber leur téléphone dans une boîte qui s'appelle une cell phone coop, un petit peu comme comme pour les poulets, là, mm-hmm. genre le poulailler à téléphone cellulaire. Une petite boîte carrée qui va être en plein milieu de la table. Donc ça va là pendant que les gens peuvent manger. Les groupes qui vont réussir à durer tout le repas sans avoir touché à leur téléphone vont recevoir un cornet de crème glacée gratuit. Oh. Et jusqu'à maintenant, c'est un succès. Donc, les opérateurs de d'autres restaurants Chick-fil-A ont demandé d'avoir leur propre poulailler à téléphone cellulaire. Résultat, la compagnie a ouvert le défi à 150 restaurants avec la possibilité de plus tard étendre ça à la chaîne au complet. Donc, les étapes, comment le défi fonctionne, c'est écrit sur la boîte. 1. Éteignez les téléphones cellulaires et mettez-les dans le poulailler à téléphone. 2. Savourez votre repas Chick-fil-A sans aucune distraction. Et 3. Après le repas, dites-nous que vous avez réussi à compléter le défi et chacun recevra un cornet de crème glacée. J'imagine que la boîte, une fois ouverte, ça doit déchirer quelque chose pour que ça paraisse que tu l'as ouvert. J'ose espérer. Est-ce qu'on arrête là? Je pense qu'on devrait arrêter là pour pouvoir se quitter en musique que Génial Liberté commence dans les temps. Donc voilà, une grosse pointe en dresse. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Il y a pas mal de nouvelles et on pourra continuer la semaine prochaine parce qu'on fait ça tous les jeudis à Assemblage Requis. Mais maintenant, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Il n'y a pas d'invité à remercier aujourd'hui. Non, il y avait juste toi et moi. Merci, Tania Baudin. Ça fait plaisir. Merci à toi, Mathieu Plante. Lundi, à l'émission, on va avoir notre chroniqueur Samuel Girard à 8h30 pour sa chronique sur l'actualité québécoise et canadienne. À 9h, le retour de Marie-Christine Perra et sa chronique sur les arts visuels. C'est lundi entre 6h30 et 9h30. Plus tard sur nos ondes, à 11h, le dîner de con avec Dany Janvier. Ensuite, à 13h, la sortie de secours est à votre gauche avec Lucas Hubert et Sébastien F. Gertin. Ça parle d'actualité. Politique surtout. À 14h, le Mathieu Plante Show en rappel. À 17h, Palmarès du Monde avec David Ferron. Et à 19h, Très Blues Assez Fou, l'émission de blues avec Denis Baudin. Cif.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Génie en liberté s'en vient dans quelques instants avec Samuel et Stéphanie. Merci encore une fois, Tania Baudin. Merci à toi. Et on se retrouve lundi à 6h30. OK, oui. Bye. Bye.